Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Yeah, hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Québec. MacQuébec.com, le podcast. C'est toutes les nouveautés Apple, commentaires et critiques, vos questions, nos réponses et beaucoup de collaborateurs. Bienvenue au podcast de Mac Québec. MacQuébec.com. Mardi 18 février, cette semaine, au podcast Mac Québec. Marika Laforêt vient nous parler de ses applications photo préférées. Apple sera en discussion avec Tesla, un nouveau chargeur de batterie en vue. Et bien sûr, toutes vos nouvelles sur l'univers Apple. Un méchant bon timing cette semaine. Là. Fort, hein? T'es arrivé pile. Ah oui, j'ai regardé pile. Le temps là-dessus. Là. On dirait que t'as fait ça tout l'après-midi. C'est pas ça que j'ai fait tout l'après-midi, mais voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mac Québec, votre source de nouvelles à propos de tout ce qui est Apple. Aujourd'hui, on a un bon show pour vous. Bien intéressant. Les nouvelles sont pas... c'est pas quelque chose d'éclatant en ce moment. Là. Il y a la sortie d'un Galaxy bientôt, probablement. Mm-hmm. Dans deux semaines, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un nouveau... qu'est-ce que j'ai vu aussi qui sortait? Le 25? Comme il y en a un le 24, puis il y en a un le 25. Ben, il y a le cheap là, qui s'en vient. Ouais, j'ai ça. Vu le... Je sais pas, c'est le Q4 ou je sais pas... je me souviens plus du nom du Samsung, le bas de gamme. Là. C'est déjà en plastique. Comment ça peut être plus bas de gamme que ça? Le connecteur. Ah. Le podcast Mac Québec est une émission bimensuelle produite par l'équipe du site www.macquebec.com sur l'univers Apple. Au cours des deux prochaines heures, il faut rayer ça, là, c'est une heure et demie maintenant, nous passerons en revue les nouvelles du monde Apple des deux dernières semaines, répondrons à des questions posées par des membres de la communauté. On a-tu des membres de la communauté? Oui, on en a. OK, excellent. On a discuté de ça. De la communauté Mac Québec et présenterons nos trouvailles de la semaine. Sans plus tarder, voici mes deux co-animateurs pour aujourd'hui. Il y a à peine 12 minutes, ils s'exclamaient « Je suis bon poche, je suis donc poche ». Non, je suis un pas bon, je suis un pas bon. Mais non, flagelle-toi pas comme ça. C'est Jean-François Roy qui est avec nous. Salut. Ça va bien, Jean-François? Oui, passe une bonne semaine? Oui. Oui, excellent. Tranquille, mais ça va. Oui. Il revient d'un séjour aux États-Unis où il nous a ramené des collations avec des noms tout droit sortis des Simpsons. Là, Cheesy Mix, puis Spoofy Cheese, je sais pas quoi. Là. Chex Mix et Cheese It. Oui, c'est ça, voilà. Merci. Jean-Michel est avec nous. Ça va bien, salut, Jean-Michel? Salut, ouais, ça va très bien, merci. Merci. Passez un... En fait, t'es revenu, t'es allé au dernier show. Oui, j'étais là. C'est le... T'as été capable de nous garder des bonnes collations comme ça tout ce temps-là? Non, j'ai été chercher. On a des nouveaux trépieds. Oui. Qui arrive tout droit des États-Unis. Et puis, j'en ai profité pour passer à l'épicerie et puis acheter. C'est drôle, en regardant la table comme ça, la caméra, on a l'impression que c'est pas la ville de Montréal qui a des grues, tu sais, qui est en train de construire. On dirait que c'est d'autres choses. On vous rappelle que les auditeurs peuvent nous soumettre leurs questions et problèmes sur les différents produits Apple en utilisant les moyens habituels, soit via Twitter en utilisant le hashtag PodMQ pour Podcast Mac Québec. Pour ceux qui ne le savaient pas, sur la plateforme Mac Québec Entraide au www.macquebec-entraide.com ou en écrivant au podcast @macquebec.com ou, et oui, il est ouvert aujourd'hui, notre numéro de téléphone partout en province, le 1-877-561-2357. Et on n'a pas de T-shirt pour toi. Malheureusement, non. On peut donner le tien, si tu veux. Mon T-shirt? Mm-hmm. Non, okay. Un beau T-shirt d'Alexis Cornelier ou que suis dedans à donner. Remerciements à nos commanditaires, ceux qui nous aident. On va essayer de raccourcir un peu ce segment-là. Donc, on remercie la ligne est toute foquée. Donc, le podcast de Mac Québec est rendu possible grâce à la généreuse collaboration de Clickpom, Coopucam, Reptiltech, pardon, iRepair Montréal et Linis. On va rajouter à ça eux autres, là, Telestream pour le Wirecast. Telestream avec Wirecast. Voilà. Je vais le mettre tout de suite. On a un invité tout de suite après la pause. On vous revient avec ça. Je suis vraiment pourri pour comme aller à des pauses. Mais c'est pas une pause, c'est juste un petit indicatif musical qui fait genre un chapitre là, dans la... ouais, le déroulement. Mac Québec, le podcast. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Mac Québec, le podcast. Eh bien, cette semaine, en fait, peut-être... Ouais, ben il y en a un qui... Faut pas oublier qu'on est dans le merveilleux monde du plateau, fait qu'on... Entendre la sonnerie, on va se faire couper l'eau de l'aqueduc, j'ai l'impression. Myland. Ah, c'est pas Ferrandez, ça? Non, ah, okay. Je pense pas. Okay. Je pense qu'il dépasse pas Saint-Laurent. C'est Ferrandez? Ah ouais? Myland fait partie du plateau. Ah! Oui, ben c'est parce qu'il y a du monde qui a un impôt foncier qui a comme monté d'une claque. Bref, vous avez peut-être entendu, on a un invité avec nous aujourd'hui, c'est Marika Laforêt. Ça va bien, Marika? Oui, ça va bien, merci. Oui. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Marika, elle est blogueuse, elle est animatrice de communauté chez... Je suis gestionnaire de médias interactifs à Tourisme Montréal. Attention, donc, c'est pas juste animatrice de communauté. En fait, je fais pas l'animation de communauté, c'est des gens dans mon équipe qui le font. Excellent. On t'a invité aujourd'hui parce que hier, j'étais tout bonnement en train de regarder sur Facebook et puis tu as écrit un article, un joyeux article sur tes applications photo préférées sur ton iPhone. Tu utilises beaucoup ton iPhone comme appareil photo? Principalement, j'utilise plus. J'avais un petit appareil numérique là, je l'utilise plus. C'est souvent mes photos de vacances, des dernières vacances qui sont dessus. Alors oui, je trouve ça plus facile avec mon iPhone. Il est toujours dans ma main de toute façon, donc c'est plus spontané. Je préfère utiliser cet appareil photo là. Excellent. Donc tu donnais dans l'article, je pense, c'est une quinzaine d'applications intéressante. L'article est sur Mac Québec et sur ton blog aussi, qu'on peut retrouver à quelle adresse? Multiplicité.com au pluriel. OK. C'est ton blog à toi, ça n'a rien à voir avec Tourisme Montréal. Qu'est-ce qu'on retrouve un peu là-dessus? En fait, c'est un peu de la vulgarisation, je dirais, de techno, l'utilisation, pas techno, mais l'utilisation des communications dans les voies interactives et tout ça. Donc, je vais parler, oui, de stratégie de communication, de hashtag. Dernièrement, j'avais fait un billet aussi sur le hashtag sémantique versus le hashtag utilitaire. Okay. Donc, faire une nuance avec ça aussi. Donc, un peu de la vulgarisation, je dirais, sur des principes reliés aux médias sociaux puis au web en général. Le hashtag, au départ, c'était plus pour... rassembler les conversations. Oui, bien, c'était ça au début ou c'était comme... C'était plus pour... comment ça s'appelle? C'était plus pour contextualiser le tweet? Dire dans quel état d'âme j'étais ou un truc comme ça, ou ça, c'est venu par après? C'est ben, dans ce que j'en ai observé, c'est venu par après parce que l'utilisation du hashtag sur Twitter a été amenée par la communauté, en fait, par tant que tel. Ça fait que c'est pas Twitter qui a dit « Utilisez un hashtag lorsque vous parlez, lorsque vous, vous gazouillez. » Donc, cette fonctionnalité-là a été d'abord utilisée pour faire... pour rassembler les conversations, comme ce soir, le hashtag PodMC... MQ, pardon, PodMQ. Oui, trompe-toi pas. Non, je me trompe pas. Donc, PodMQ qui rassemble la conversation autour du podcast d'aujourd'hui, mais est apparu avec l'utilisation des hashtags que j'appelle sémantiques, qui vont plus exprimer une humeur, une intention, ou par exemple, « je suis crevé » ou « oui, funny » ou bon. Donc, Les gens. Donc, à ce moment-là, on s'ouvrira pas une colonne dans TweetDeck pour savoir quels sont tous les tweets qui ont été faits sur les gens, mais c'est plus pour marquer une intention à ce moment-là. Excellent. Prends ça en note, Jean-François. Je pense qu'on va changer le hashtag de PodMQ comme ça, là, « unité 9 ». Ouais. On jase. Non, juste unité 9, ouais, le mardi soir. Ouais, mais ça commence juste la semaine prochaine. C'est pas à soir, c'est pas commencé à soir. Vous avez un petit répit, parce à que cause c'est des les Olympiques. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Olympique, là, cette semaine, c'est très bon comme hashtag. Ouais, ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des applications dont tu nous parlais? Pourquoi, toi, l'application de photos de Apple ne fait pas ton affaire? Tu parles d'un... T'as la chorale en arrière. Je suis en pleine... C'est quoi qu'ils font? Ils sont en train de passer pour du déneigement. Quand tu parles de l'application photo Apple, tu parles juste de l'appareil natif, de la caméra native du téléphone. En fait, ça fait des photos qui, ça s'est raffiné avec les différents iPhones qui sont sortis. Le potentiel de la caméra, le pixel de la caméra aussi s'est raffiné avec le temps. Mais souvent, ça donne pas exactement ce qu'on veut. C'est pas un appareil photo de professionnel non plus, là. C'est quand même un bon appareil, mais pas assez pour rendre compte de ce que je vois réellement. Okay. Particulièrement les ciels, le soleil. Souvent, on a un soleil éclatant, puis sur la caméra du iPhone, ça sortira pas comme ça. Donc, j'utilise des applications photo pour éditer mes photos et aller chercher un peu plus l'émotion ou la prise de vue que je vois avec mes yeux ou comment je le sens quand je vois ce que je vois à mon passage ou des choses comme ça. La première application dont tu parles dans l'article, c'est Caméra Plus. Est-ce que c'est une application qui remplace pour toi l'application native du iPhone? Ça l'est pour beaucoup de monde? Oui, la majorité des gens avec qui j'ai l'occasion d'échanger, entre autres avec la communauté d'Higers Montreal, utilisent cette application-là de base et ils prennent leurs photos avec cette application-là. C'est une question d'habitude. Moi, j'ai toujours utilisé l'application native, l'appareil natif. Okay. Donc, puis je l'intègre après dans Caméra, je l'importe dans Caméra Plus, puis je la traite à partir de là. Mais il y en a qui préfèrent utiliser l'application Caméra Plus directement, puis ils savent que quand elle est là, c'est qu'elle n'est pas encore traitée. Il y en a qui c'est comme ça qu'ils l'utilisent, parce qu'il y a un genre de lightbox, là, si on veut, donc un genre de stream avec nos photos, là. Mais moi, comme j'utilise plusieurs applications, en moyenne 3 à 4 applications par photo, je préfère utiliser la caméra native. Est-ce que tu utilises iPhoto dans ton appareil ou pas du tout pour gérer tes photos? Comme j'en prends beaucoup, j'ai souvent pas assez d'espace, donc j'upload automatiquement dans Dropbox. OK. Fait que toutes mes photos sont branchées là. Ça fait que le iPhoto, je ne l'utilise pas pour l'instant. Parce que... Pas celui du Mac, je parle. Il y en a un pour le iPhone, là, donc... Non, je ne l'utilise pas. OK, excellent. Est limitée, cette application-là, je trouve. Hein? Si elle se synchronisait, Tu parlais de l'édition à partir de... tu es arrivé tellement tardivement, puis il y a tellement d'autres applications qui font ce dont on a besoin que c'est pas... C'est pas nécessaire. C'est ça. Peut-être juste pour quelqu'un... Juste la version d'Adobe Elements, qui est la version gratuite, fait extrêmement longtemps Photoshop qu'elle est là. Photoshop, qui est là, puis ça fait extrêmement longtemps, puis je l'utilise encore, là, cette version-là. Là. C'est comme... Mais iPhoto, c'est vrai qu'elle est arrivée très... Mm-hmm. Ça y a pris du temps avant. Mais en fait, l'appareil s'est adapté au marché, puis pour aller peut-être contrer ça un peu, ou peut-être pour des nouveaux utilisateurs d'iPhone, ça peut être pratique d'utiliser ça. Il y a quelques filtres, on peut cropper, on peut... je pense qu'en français, ils disent comme magnifier la photo, je ne sais pas. Okay. Donc, cropper, tu penses? Mais non, c'est une petite baguette magique là, pour améliorer la photo. Le auto-enhance. C'est un peu comme passer un filtre automatique là, sur la photo. Voilà. Sinon, est-ce que tu es beaucoup sur Instagram puis les autres trucs de photos? Instagram, c'est mon application préférée. C'est vrai. Mais pas tant pour les filtres. J'utilise pratiquement pas les filtres. C'est davantage pour le réseau social qu'il y a autour de ça. Où, dans le fond, tu découvres des gens par le biais de leur prise de vue. C'est intéressant de voir ça. Puis c'est sûr que c'est important de suivre les bonnes personnes parce qu'on n'est pas à l'abri des selfies, des photos de chats, des pieds, etc. Mais quand tu suis les bonnes personnes... puis c'est bon enfant, je trouve, la communauté sur Instagram. Donc, il y a souvent des échanges partout et il y a moyen d'échanger avec des gens de partout à travers le monde. Justement, quand je voyage, je vais m'abonner à des gens qui vont utiliser le mot-clic, par exemple. Là, je m'en vais au Portugal au mois de juin. Donc, j'ai regardé les gens qui hashtag avec Argers Lisboa pour suivre ceux qui prennent des photos à Lisbonne. Okay. Donc, là, je vois des endroits qui sont davantage des endroits pris par les utilisateurs. Donc, on n'est pas dans la photo nécessairement léchée, mais il y a une photo avec beaucoup plus de véhicules et tout ça. Donc, donc c'est ça. Ça fait que j'utilise pas les photos, j'utilise pas l'application Instagram avec les filtres. Parfois, là, j'en rajoute un en finition, mais j'utilise Instagram, c'est ça, depuis 3-4 ans. Oh, quand même! 3 ans. T'es rendu avec beaucoup de followers? J'en ai un petit peu plus que 1000, mais je suis pas à la recherche de followers en tant que telle, mais je participe à plein de petits défis. Là, je viens de terminer un défi personnel que je me suis lancé de faire une photo par jour pendant 365 jours. Oh. C'est que j'ai fait ça en 2013. C'est un beau défi parce que les lundis sont souvent semblables d'une semaine à l'autre. Donc, c'est d'aller chercher, de regarder différemment ce qui manteau, puis arrivent aussi les applications qui éditent des photos de façon vraiment plus déjantée, un peu comme je disais dans mon billet de blog, par exemple Decimate, qui est une application de glitch. C'est vraiment intéressant, ça déconstruit et puis ça amène ailleurs et tout okay. ça. Donc, Il y a Scratchcam aussi qui donnait une impression vieillotte, là, une impression mm-hmm. comme si c'est une très, très vieille caméra ou une vieille photo, en fait, qui vieillit la photo. C'est pas mal intéressant. Est-ce qu'il y a des applications que tu utilises? Je vois VSOcam dans ton article. Ça aussi, c'est une autre application qui est très utilisée pour la prise de photos. Très, très populaire. C'est pas une application qui va bien avec mon style. On vient qu'on trouve son style et tout ça. Moi, je suis davantage dans la saturation des photos, donc des couleurs très vives. VSOcam, je sais pas comment le prononcer, je pense que c'est comme ça, va désaturer un peu plus et tout ça. Mais il y en a qui font vraiment des belles choses avec ça. C'est juste moins mon style, mais c'est une application qui s'est vraiment raffinée aussi avec les dernières mises à jour. Puis c'est bien intéressant. Puis ce qui est le fun dans une application, c'est que quand tu peux le faire en marchant dans la rue de façon très simple. Parce que Instamatic, par exemple, autant que c'était une application qui était vraiment populaire lors de sa sortie, qui a un peu dégringolé parce que ça devenait trop complexe, pour ma part du moins, là, trop complexe à traiter. Il fallait vraiment connaître la photo en tant que telle, les films, les filtres de photos, les types de films. Donc, ça reproduisait okay. un peu l'argentique, mais sur iPhone, moi, c'était moins mon genre, ça. Donc, je ne vais pas travailler avec ça. L'application portait bien le nom de hipster de son titre. Est-ce qu'il y a des applications que tu utilises, mais que tu n'as pas mis dans l'article, peut-être, ou tu as vraiment parlé de... C'est mes applications préférées. J'en ai, sur mon iPhone, j'en ai à peu près 25. Downloadées, j'en ai facile une cinquantaine. Okay. Mais je les essaye. Des fois, j'adhère pas ou si j'arrive à trouver, si c'est une application, par exemple, qui a juste des filtres, je peux réussir à le retrouver dans une autre application que j'utilise déjà. Ça fait que celle-là, je l'abandonne un peu. Mais oui, j'en ai d'autres que j'aime bien aussi. KitCam, qui est une application avec, c'est l'usage de filtres aussi, mais il y a moyen d'arranger ça de façon plus... d'utiliser un effet de lentille un peu plus sur la photo. Peut-être du tilt-shift ou... Tilt-shift, c'est bon, c'est pour ajouter du flou un peu sur une photo. J'en ai une que j'utilise qui s'appelle LiveDoff. Okay. Il y en a plusieurs tilt-shift qui de type tilt-shift qui existent. Maintenant aussi, il y a de plus en plus d'applications qui nous permettent de flouter une photo à même une autre application. C'est pas juste la rendre floue, en fait, c'est ça rend la photo comme si c'était une maquette. Amène un côté profondeur de champ. Donc, ouais. On peut arriver à faire ressortir un sujet dans une photo et tout ça. Si, par exemple, on prend... j'ai pris une photo du Belvédère en fin de semaine sur le Mont-Royal. Donc, si j'avais voulu faire ressortir un building que je voyais, j'aurais pu comme utiliser cette application-là pour mettre en avant-plan, par exemple, la place Ville-Marie. Ouais. Donc, ça fait que ça permet d'isoler aussi un sujet... Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves que ton appareil photo d'iPhone n'est pas capable de faire? Ce que j'aimerais, là, ce serait pouvoir taguer mes photos avec juste des petits crochets pour pouvoir me faire des dossiers. Comme quand on prend une photo comme ça, souvent, je peux passer dans... Si j'utilise l'appareil natif, je peux avoir 12 versions de la photo, j'en prends plein. Puis après ça, je vais les passer dans différentes applications. Ça fait que des fois, d'une même photo, je suis rendue à 30 photos. Ça fait que je ne sais plus c'est laquelle la bonne. Okay. J'aimerais pouvoir les identifier, dire « OK, celle-là, je l'aimais, celle-là, je l'aimais. » Ou par exemple, je suis allée grimper à un moment donné, faire une randonnée sur une montagne, j'avais pas de réseau. Ça fait que j'ai pris des photos tout le long de mon parcours. Puis quand j'ai eu du réseau, j'aurais aimé pouvoir identifier celles que j'avais présélectionnées, un peu comme iPhoto sur Mac, par exemple. On peut se faire des favoris, si on veut. Ouais. J'aimerais pouvoir... Ça, c'est quelque chose qui me manque. Ouais. Puis au niveau, par exemple, de la prise de photos la nuit ou des trucs comme ça, ou dans des environnements un peu moins lumineux? C'est sûr que les photos de nuit, c'est pas l'idéal avec l'iPhone, mais même un appareil numérique ordinaire faut avoir les appareils qui se spécialisent aussi en photo de nuit ou des filtres. Là, en tout cas, ça, je m'y perds un peu. Les bonnes lentilles, surtout. C'est ça. C'est le mot « cherchais lentilles », je dis des appareils. J'étais un peu... C'est moi, ma référence dans ça, c'est dans la photo de nuit, c'est Luc Girouard. Et puis, il est vraiment excellent. Il arrive vraiment à... Mais là, bon, il est traite avec c'est de l'appareil numérique. Là, c'est pas la même chose. Parce que moi, à la base, je prends pas de photos numériques autrement que des photos de voyage ou de vacances ou des fêtes d'amis ou tout ça. Donc, avec l'appareil, je traînais pas toujours mon appareil. Ben, je l'avais tout le temps, en fait, dans mon sac à main parce que j'organisais des événements avant. Donc, j'avais souvent à prendre des photos. Mais là, maintenant, avec mon iPhone, je l'utilise. Il est dans ma main pour répondre à un tweet. Il est dans ma main pour prendre une photo. Donc, je trouve ça beaucoup plus simple. Mais c'est pas ma spécialité de faire des photos de nuit. Mais si je veux en faire et faire ressortir des contrastes, par exemple, des choses comme ça, je vais utiliser d'autres applications. Parfait. Tu finis l'article avec un truc auquel je n'avais pas pensé. Tu suggères, en fait, de suivre les hashtags sur Twitter Sur Instagram, OK, au nom des applications. Bien, c'est comme ça, moi, que je découvre souvent des utilisations, comme une nouvelle application là, que je viens de découvrir il y a quelques mois qui s'appelle Tangent. Je pense que c'est une application québécoise, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas fait de recherche, là, mais donc, en on suivant... On va en faire, nous autres. En suivant le hashtag, on découvre tous les gens qui publient des photos en utilisant cette application-là. Donc, on arrive à avoir des créations qui sont vraiment intéressantes. Là, à ce moment-là, on n'est pas dans la photo de chat, là. On est dans d'autres choses. Oui. Mais donc, en suivant les hashtags des applications, ben on découvre d'autres utilisateurs aussi. Donc, des spécialistes de Decimate, entre autres, que j'ai découvert. VSCoCam, ben là, ça revient que c'est plus plus une application qui sert à faire des filtres. Il y a un petit peu moins de création à travers cette application-là. Mais donc, on peut passer de la photo mobile à l'art mobile aussi avec certaines autres applications. Donc, c'est ça. Par exemple, si on suit le hashtag... De l'iPhonography, c'est ça? Oui, c'est ça, de l'iPhonography. Maintenant qu'Instagram est sur Android et qu'Android développe de plus en plus d'appareils photo, c'est drôle que je parle de ça ici, là, mais maintenant, on va passer plus à Mobile Light ou hors mobile. Puis maintenant, il y a du vidéo aussi et tout ça, donc... Englobe plus. Oui, exactement. Excellent. Merci beaucoup pour ton passage, d'être venu nous parler de ça. Et vous pouvez voir l'article de Marika soit sur Mac Québec ou soit sur son blog. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets, Marika? Moi, je suis assez... c'est assez commun partout. C'est Marika MTL pour Montréal. Donc, ça se Google facilement. Parfait. Ben, on te remercie. Merci. On vous laisse avec nos amis de Cacao Cast. Et puis, on vous revient dans quelques minutes. Mac Québec, le podcast. Bonjour, je suis Philippe Guittard. Et moi, Philippe Casgrain. Nous sommes les Starsky et Hutch du podcast Cacao Cast. Nous parlons des nouvelles concernant les développeurs iOS et macOS. On vient juste de célébrer les 30 ans du Mac et on voulait vous parler d'un petit utilitaire assez rigolo qui vous permet un peu de célébrer tout ça, qui s'appelle Clarus X. Donc Philippe, tu vas nous dire de quoi il s'agit. Oui, alors Clarus est évidemment le chien vache que tout le monde connaît, qui date de macOS 6, 5, 4, etc., là, qu'on retrouvait dans le dialogue de format d'impression, qui vous permettait de dire est-ce que la page va être imprimée de haut en bas, de droite à gauche, 4 sur la page, en mode portrait, en mode de paysage. Il y avait une espèce de chien vache là, avec des en noir et blanc. Mais maintenant, dans macOS 10, c'est une espèce de personnage, là, une silhouette d'un personnage quelconque. Là. C'est un peu ennuyant. Alors, on vous suggère de remettre Clarus à sa vraie place et de l'utiliser sous Mavericks chaque fois que vous allez imprimer pour pouvoir revoir Clarus dans toute sa splendeur et même plus parce qu'il y a toutes sortes de couleurs maintenant parce que Clarus n'est plus qu'en noir et blanc. Il fait plus. Vous pouvez l'utiliser... il s'appelle Clarus X et il fonctionne sous Mavericks. Voilà, donc si vous allez sur le site interrealm.com, interrealm.com/clarusx, C-L-A-R-U-S-X, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour le télécharger et l'installer. Voilà, si vous êtes un peu nostalgique du Mac classique, bah, vous serez certainement content de revoir ce fameux chien vache. Cette créature mythique qui était dans les champs de Cupertino. Voilà. On va parler maintenant d'un jeu qui s'appelle Angular, qui est un clone de Reversi ou Othello. Est-ce que c'est la même chose ou c'est oui, des c'est noms la même différents? Chose. Je pense que Othello, c'est quelque chose qui a été publié au Québec. C'était le nom du jeu de Reversi, mais aux États-Unis, c'est beaucoup plus connu sur Reversi ainsi qu'en France, je crois. OK, c'est vrai. Donc là, le développeur H. Furo, qui est un ami qu'on connaît, un jeune développeur de Toronto très talentueux, a écrit ça assez rapidement, en quelques jours, je pense. Hein. C'était un petit peu pour s'amuser, pour faire un jeu. Donc, ça fonctionne sur iOS 7. Et puis, pour le mettre sur le App Store. Et donc, il est sur le App Store. Donc, si vous cherchez Angular, A-N-G-U-L-A-R, vous trouverez ce petit jeu d'Othello qui fonctionne bien, qui est simple et tout propre, mais qui fonctionne bien. Il y a une petite partie d'intelligence artificielle, on va dire, qui va... tester vos compétences, donc c'est pas toujours facile à battre. L'intérêt, c'est que le code source de cette application est disponible sur le site github.com, donc sur le compte de H Furo, donc A-S-H-F-U-R-R-O-W. Vous trouverez tout le détail, tout le code source. Donc pour ceux qui sont intéressés par le développement de jeux de stratégie, jeux de société sur iOS, vont peut-être être intéressés de regarder le code source écrit par un développeur de grand talent qui fait du bon code et qui est bien structuré, qui est bien écrit. Donc c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne derrière. Donc pas juste utiliser le jeu, mais voir le fonctionnement interne du jeu. Voilà, ça s'appelle Angular. On va finir par un site qui est un petit peu peut-être ésotérique pour les gens qui connaissent pas trop le développement sous Objective-C, mais qui est assez amusant, qui fait rire pas mal les développeurs d'applications Mac et iOS. Le site s'appelle Fluffy Kitten Block Syntax. Alors Philippe, pourquoi ce nom étrange? Oui, alors d'abord ça fait rire, mais aussi c'est extrêmement utile parce que quand on développe pour le Mac ou pour iOS des versions modernes, on utilise les blocs dans la syntaxe du langage Objective-C et on se rappelle jamais comment on écrit les blocs parce qu'ils ont une syntaxe un peu, comme tu dis, ésotérique, mais qui est simple, mais qui n'est pas facile à se rappeler, curieusement. Alors, il y a un site qui existe, dont je me sers tout le temps, qui s'appelle... ça commence par un F, puis ça finit par Hocking Block Syntax. Et puis, c'est un site .com. Alors, si je voulais dire ça sans jury, je pourrais pas parce que ça faudrait faire bip, mais je m'en sers tout le temps. Le défaut, c'est que quand je veux le dire à quelqu'un, il va pas s'en rappeler ou il va l'oublier parce que c'est un juron, finalement, même si le site est très utile. Alors, il y a quelqu'un qui a pris la balle au bon et qui a fait un site qui s'appelle Fluffy Kitten Block Syntax. Alors, c'est la même idée, ça vous donne une page, juste en une page, un résumé de comment on écrit les blocs, c'est quoi la syntaxe pour faire des appels de fonctions, etc. Là, bref, comment on doit les écrire, ces blocs-là? Mais avec une photo d'un petit minou qui est beaucoup plus relax. Et comme ça, au lieu de jurer, vous avez la paix intérieure qui s'installe grâce au petit minou qui vous regarde. Voilà, donc fluffykittenblocksyntax.com. Voilà, donc ça finit notre capsule pour aujourd'hui. On rend la parole à nos amis de Mac Québec. Mac Québec, le podcast. Mac Québec, le podcast. Nous voilà de retour. On a fait un petit ajustement technique pour avoir l'air moins gros. On était squeezé dans l'image 4.9, mm-hmm. 4.3. 4.3, oui. Ouais. Puis c'est pas vraiment notre avantage, en tout cas, moi puis Jean-Michel. On est en glorieux HD 720p maintenant. Glorious. Eh bien, c'est le moment des nouvelles. Et on commence avec toute une nouvelle cette semaine. Apple et Tesla seraient en négociation. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi. On sait que Apple est à la recherche ou en fait veut rentrer le plus possible dans des automobiles. Il y a des initiatives qui ont été faites dans iOS 7 pour ça. Tesla, qui, pour ceux qui ne seraient pas au courant, est un manufacturier d'automobiles 100% électriques. Non. C'est le manufacturier d'auto en ce moment. Ça pète la gueule à tout ce qui existe comme automobile. Vous attendiez le char du futur, c'est lui le char du futur. La Tesla, c'est un automobile, effectivement, qui est 100% électrique, tu l'as dit. C'est une voiture sport, 100% électrique. Pour l'instant, c'est une voiture... C'est pas une petite voiture deux places, là, pour... C'est pas une petite voiture deux places, c'est une bonne voiture. Ça se compare avantageusement à des BMW haut de gamme. Une voiture de luxe. Oui, ça peut faire, si je me trompe pas, 300 km sur une charge de batterie. Donc, ils ont fait un concours en partant autour de New York ou ici, là, je me souviens plus trop, et ils sont capables de faire la côte Est au complet en chargeant l'automobile là où il faut. C'est une automobile qui, au niveau des tests de collision. Ils ont fait les tests de collision, puis c'est pas 5 étoiles qu'ils auraient dû y donner, c'est comme 6 ou 7 étoiles, mais il n'y avait pas 6 ou 7 étoiles. C'est un tank, cette auto-là, ça ne brise pas. Le seul problème qu'il y a, c'est que comme c'est une auto qui est vendue en tout petite quantité, c'est une auto qui est très chère, s'il y a un bris dessus, ça peut coûter très cher à faire réparer. Ça, c'est un des désavantages, mais si on tombe, il y a la troisième génération qui est en train d'être développée, qui est une voiture qui devrait... C'est un automobile qui est entre 70 000 et 100 quelques mille dollars pour l'instant, mais on devrait tomber en dessous du 40 000 dollars pour la prochaine version. Il y a beaucoup de sites cette année qui ont donné la palme de l'application de l'année à l'application de Tesla, qui est une application qui permet de... qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je me souviens, cette voiture-là, il y a le magazine américain Consumer Reports, qui est un peu comme le Protégez-vous américain. Oui. Ils ont voulu tester la voiture. Ils font des tests de voiture à chaque mois. Et puis, l'exemplaire qu'ils avaient acheté d'un concessionnaire... carrément arrêté de fonctionner durant le test. Mais c'était un problème logiciel dans la voiture. C'était pas un problème mécanique ou rien. C'était vraiment un problème dans le logiciel de la voiture. OK. Probablement des bugs qui ont été réglés. C'est sûr que... Il y a un gag il y a 10 ans qui se faisait à propos de si Windows faisait des automobiles, tu serais installé à tous les coins de rue, tu serais obligé de redémarrer. Tout ça. C'est plate comme coïncidence que ce soit arrivé durant un test de Consumer Reports. Effectivement. Mais je suis sûr que si on va voir sur Internet, en fait, c'est Elon Musk qui est le gars à la tête de ça et comparé à Steve Jobs en matière de gestion, de génie, marketing et tout ça. C'est un gars qui est impliqué dans plein de projets weird, dont SpaceX puis d'autres choses. C'est une automobile, en tout cas, moi, qui m'intéresse beaucoup. L'ingénierie qu'il y a là-dedans, en fait, c'est vraiment une automobile qui a été pensée au complet pour être des années 2000. Là. Elle ne vole pas, là, mais c'est... Qu'est-ce qu'Apple pourrait faire avec une voiture comme ça? Est-ce qu'il est intéressé pour la voiture ou bien est-ce qu'il est intéressé avec des technologies qu'il y a dans cette voiture? C'est ça que je me pose, moi aussi, comme question. Il y a des parallèles à faire entre l'automobile et Apple. Dans les deux cas, en fait, il y a un gros travail d'optimisation au niveau de la batterie qui doit être fait. Les batteries de... il y a de l'ingénierie qui a été faite derrière. Apple serait intéressé plus à la technologie de batterie de la voiture Tesla que à la voiture allemande. C'est une hypothèse que je dis, mais pourquoi les deux compagnies se parlent? Il y a des gens qui disent Apple voudrait acheter Tesla. La capitalisation boursière de Tesla, je ne sais pas exactement, mais probablement qu'Apple aurait les moyens de s'acheter Tesla. Apple a les moyens d'acheter à peu près n'importe quoi. Même Google, je pense. Non, peut-être pas. Mais... Non, pas Google. La capitalisation boursière de Google. De Google est plus haute? Si je me trompe pas. Ou en tout cas, c'est juste qu'Apple a plus d'argent, là, mais ça, faudrait vérifier. Pour l'optimisation de batterie, peut-être partager en fait des brevets, des trucs comme ça. Mm-hmm. Peut-être qu'Apple voudrait carrément acheter Tesla et avoir à ce moment-là une voiture qui, au niveau de l'ingénierie de la voiture, en fait, Tesla est à la voiture ce que Apple est à l'informatique. Donc, si on met les deux ensemble, on pourrait avoir une automobile qui est, tu sais, ça fait longtemps qu'Apple veut rentrer dans des automobiles. Il y a eu des prototypes chez Volkswagen qui ont été faits. Et, tu sais, on ne voit pas Apple rentrer dans un Ford, dans une Toyota, dans un truc comme ça. Il faudrait aller dans des voitures plus haut de gamme. Puis à ce moment-là, ce n'est pas un produit grand public comme Apple en fait. Donc, à ce moment-là, Tesla serait probablement là, le plus intéressant des prospects à ce niveau-là, tant au niveau technologique qu'au niveau innovation. Qu'au niveau possibilité d'intégration de leurs propres idées à l'intérieur de l'auto. Fait que ça, c'est quand même une grosse nouvelle. C'est des bruits de couloir, mais... Ça reste du très, très long terme. Là, ça vient arriver. Là. Moi, je pense plus qu'on va voir la iWatch, la iTV avant. Oui, oui, probablement. Mmh. Mais faut qu'Apple... tu sais, on fesse sur Apple depuis 2 ans parce qu'ils innovent plus puis ils font plus des trucs comme ça. Ben s'ils font ce move-là d'acheter Tesla... Ils ont un gros, gros, gros terrain de football pour l'innovation. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu as une voiture, Matka? Non, je suis en communauto. Ah, excellent. Mais des communautos Apple, Tesla, ça serait... Communauto Tesla, ça s'en vient intéressant. Là. Ah. Mais je pense que ça serait pas 500 pièces de dépôt comme communauto. Non, là, c'est comme une autre catégorie. Il y a un autre service à Montréal. Car2Go. Il y en a un troisième aussi, je me souviens plus c'est quoi. Il y en a trois maintenant à Montréal, dans les alentours ici, Rosemont. Comment ils ont fait pour avoir ce nom-là, Car2Go? Ça respecte zéro la loi 101. Car2Go, service de partage d'auto. Ça respecte la loi 101. Fait que, mais je sais pas, mais il y en a un autre, un troisième. L'autre, c'est automobile, mais c'est un service de communauto aussi, si je me trompe pas. Ouais, la différence avec communauto, c'est que tu dois prendre une auto dans un stationnement et la rapporter au même endroit. Ouais. Puis automobile, c'est dans un même secteur. OK. Donc, auto, très d'une mobile. Moi, j'en utilise un autre service. Ah, c'est pas lui dont vous parlez. Non, ça s'appelle Grand Theft Auto. Ça, c'est facile. Bon coude, planque, tu prends le modèle que tu veux, où tu veux, puis tu décolles. Prochaine nouvelle, Jean-Michel? J'étais en train de taper. Oui. Alors, les. J'aime tellement ça. C'est le fun. À chaque fois que je suis en train de faire d'autres choses. Tu feras la prochaine. Les exécutifs de Madison Avenue, la firme de marketing très connue de New York, décrivent l'équipe des ventes d'Apple pour iAd comme lent, chiant et pas proactif. Ben, les Madison Avenue, c'est Mad Men. Ouais. C'est la firme dont on parle dans la série Mad Men, c'est eux. Donc, c'est une firme de marketing qui est très reconnue. Et en fait, iHad, qui est un produit de Apple qui a commencé en fait en trombe, là. Bon, c'était un truc qui allait révolutionner, puis ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés à se placer. Mais en fait, c'est Apple qui fait du Google. Puis, ça, il semble qu'ils sont pas bons à faire ça. Ça prend à Google une méchante longueur d'avance. Là, clairement. Ça fait beaucoup plus longtemps qu'à Apple qui sont dans ce domaine-là. Mais si tu te présentes comme ça, comme Apple, puis que tu demandes le prix qu'ils demandaient, ils sont descendus de 1 million de dollars à 500 000 pour faire une campagne sur iAds. Après ça, ils ont vu qu'il n'y avait pas de clients, ils sont descendus à 100 000. Puis, il n'y en avait pas. Il y en avait pas plus. Puis aujourd'hui, je suis allé sur iHad Workbench, qui est une application sur le App Store. Tu peux aller sur iHad Workbench. Okay. Puis en fait, tu peux te partir une campagne de financement pour 10$. Ah. J'ai regardé le problème. Puis j'étais comme, ah oui, on va vraiment payer. J'ai demandé de faire une campagne de financement de 50$ avec un maximum de dépenses de 10$ par jour. Mm-hmm. Puis le bid, c'est combien je suis prête à donner à la compagnie qui va mettre ma publicité dans son application, qui va dire comme, oui, c'est correct, lui peut y aller. Puis j'ai payé une cent du clic. Puis à la fin, ce qu'il me disait, c'est tu vas avoir tant d'impressions, donc 1 million ou 700 000. Il y a je sais pas combien de personnes, genre 1100 qui vont cliquer sur ta publicité, puis tu vas avoir genre 8 téléchargements. Fait que pour 50$, ça donnait 8 téléchargements de ton application. Ouais. C'était comme... Ouais, c'est pas fort. Ça fait, non, ça fait cher. Ça fait et cher. Il n'y a pas une version Google de ça? On peut pas tester ça sur Google, comme tu viens de faire, comme tu viens de dire, non? Non, ben parce que, en fait, les seules publicités, le seul réseau publicitaire qu'il y a sur Apple, si je me trompe pas, il faudrait demander à notre ami Frédéric Brunel, mais si je me trompe pas, ou encore notre Pierre Rochon de Piroxo, tu peux pas avoir de publicité Google, je pense, dans ton application. Ça doit passer par Ads. Si je me trompe pas. OK. Mais je suis pas sûr. Il y a plusieurs films que plusieurs tu peux réseaux de publicité. Okay. C'est pas juste des pubs en ad qu'on voit. Là. Au contraire, on voit beaucoup plus de publicités de d'autres... De d'autres films? D'autres films que des publicités en ad. Fait que finalement, en fait, ce qui tendrait à dire que ça marche pas très bien puis que Apple fait pas plus d'efforts. C'est surtout beaucoup plus répandu. Comme par exemple, j'imagine que quelqu'un qui veut partir une campagne de publicité par Google... Là, a la possibilité de mettre ses publicités sur iOS, la possibilité de mettre sur un site web ou sur toutes les plateformes en même temps. Non? Effectivement. Ben, en fait, c'est ça la force de Google. Tu as affaire. Tandis qu'avec iAd, il y a juste certaines applications iOS où la publicité va être affichée. Ouais. Effectivement. Parlant d'applications où le monsieur faisait beaucoup, beaucoup d'argent, mais que 50 000 par jour. La pression à 50 000 par jour, genre. Je serais allé faire du camping un 10 jours, puis je serais revenu, puis c'est tout. Tu t'en vas, là. On parle de l'application Flappy Bird, qui a été retirée de l'App Store. Et du Google Play. Et du Google Play, les deux. Uh-huh. C'est une application qui joue avec le pouce. Ouais. Donc, il n'y avait rien de plus simple comme application. Je pense que c'est des tests que le gars faisait. J'ai pas. Non, mais ça faisait longtemps que l'application était disponible. C'est sorti en mai, hein, si je me souviens. C'est vieux, cette application-là. Mais parce qu'il y a des robots qui ont fait. Ça a été programmé avec des robots, ça a l'air, ce que le monde dit, que ça a fait monter l'application au top du top 10 de chez Apple dans le App Store. Okay. C'est pour ça que l'application a eu beaucoup d'intérêt, parce que les robots allaient télécharger l'apps. OK. Donc, elle se ramasse dans les applications les plus populaires. Puis, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai découvert. Dès que t'es là-dedans, tu pars. T'sais, c'est comme... il faisait 50 000 par jour. Il y a eu des menaces aussi, je disais. Juste en revenu publicitaire, c'était téléchargé combien? On l'avait dit il y a deux semaines, 2-3 millions de fois par jour. Ça se passe. Ah, je sais pas, je me rappelle. Ouais, je pense qu'il était à 3 millions d'exemplaires par jour. Je pense que c'est ça. Ouais. Puis... il était victime de sa popularité. C'est ça. Ceci dit, peut-être que c'est une stratégie marketing pour mieux rebondir. Peut-être. Tu vas sortir d'autres choses. C'est deux autres applications ont aussi, ils se sont fait tirer par le fait que Flappy Bird était très populaire. Puis ces deux autres applications qui étaient des jeux très, très simples aussi sont devenus populaires par la force des choses. Ils étaient dans le top 20. Mais il l'a retiré. Il a écrit sur Twitter qu'il n'était plus capable. Justement, il a reçu des menaces de mort. Il a reçu des menaces de mort que le monde il disait « T'es un pourri parce que tu fais perdre du temps au monde avec ton jeu. » Puis c'est que ça, le jeu. Je m'excuse, mais moi, j'ai joué 30 secondes avec. J'ai pas de patience à ça. Là. J'ai pas de patience. C'est un peu addictif, par exemple. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Okay, juste un autre. Le prochain, ouais, ouais, le prochain c'est ça. C'est ça. J'ai, comme un gars à la job avec qui je travaille, il est rendu à 155. Il y a 155 tuyaux qui a passé dans un. Est-ce que tu as vu le vidéo qui a été fait? À 980. Ouais, je suis pas sûr que c'est. Non, c'est un fake. C'est pas vrai. Mais écoute, à la fin, là, les tuyaux bougent, là, ça n'a pas de sens. Le gars, là, il est parfait. T'as des tuyaux qui bougent, t'as les plantes. De Mario Bros. Mario. Commence à sortir. De Bowser. Le dernier tuyau à 999, t'as Mario qui sort, qui commence à tirer des boules de feu, puis à un moment donné, il saute, puis là, le gars, il se fait pogner, puis il tombe. Mais c'est un fake. Ça a été clairement dit. Mais c'est tout un phénomène. Et Flappy Bird a été retiré de l'App Store. Mais suite au retrait de Flappy Bird, Apple... C'est passé bien des choses là, après le retrait, parce que c'était comme au sommet de sa popularité. Tout le monde en parlait. On a vu apparaître sur eBay des iPhones vendus avec Flappy Bird préinstallés dessus. 100 000. Ouais, des montants. 100 000. Qui a pas d'allure, j'ai vu un gars qui vendait son iPhone 5S préinstallé Flappy Bird 100 000. Non, mais faut-tu être mongol? Ben, 10 000? Non. 10 000, c'est pas pire. Il y en avait. Non, mais 100 000, il y a quelqu'un qui l'achète, là. T'as un roi d'Arabie Saoudite, là. Si tu viens de faire ton down payment sur une maison, là, tu sais, tu t'achètes une Tesla. Ouais. Non, mais c'est ça. Il y en avait à 1500, 2000, mais même à ça, c'est complètement ridicule juste pour l'application. C'est parce que tu peux plus mettre à jour ce téléphone-là, tu peux plus... Puis si Apple se décide, ils ont un kill switch, là, ouais. Ils peuvent l'enlever à distance. T'as l'application sur le téléphone, mais même pas à toi, parce qu'elle est enregistrée sur le compte de la personne qui t'a pas le mot de passe. Non. T'as pas le mot de passe, t'as pas l'application dans ton ordinateur. Il y aura pas de message. Non, je sais, mais t'as pas l'application dans ton ordinateur, dans iTunes. Si t'avais au moins cette application-là, ça ne copiera pas. En tout cas, j'ai trouvé ça bizarre quand j'ai vu ça. T'as une panne de téléphone, puis t'as tout perdu. Ouais, c'est ça, t'sais. Donc, en fait, suite surtout à ça... Surtout si t'es rendu à 156. Ouais, c'est ça, t'sais, c'est comme... en fait, suite à ça, en fait, tout ce qui s'appelait Flappy a été, à peu près, là, a été enlevé. N'importe qui envoie une nouvelle application sur l'App Store chez Apple qui commence par Flappy est automatiquement... Même si c'est le même concept, ça va être refusé. Dès qu'il y a Flappy dessus, c'est refusé. Parce que, tu peux pas copier la sauce. Mais là, on voit, là, l'application en première place présentement sur l'App Store canadien, c'est Splashy Fish. Okay, c'est exactement le même principe, sauf que ça se passe sous l'eau, c'est avec un poisson au lieu d'un oiseau. C'est le même style graphique, le même style de tout. Fait que c'est les reviews, c'est le quoi? Le deuxième monde dans Mario Bros. c'est ça exactement. Tu peux-tu le mettre sur le Apple TV en arrière? Peut-être, on peut peut-être lui jeter un coup d'œil. Ah ben oui, non, moi je suis pas connecté au réseau. Continue à parler, là, je vois le faire. Dans un autre ordre d'idées, en fait, il y a une série de nouveaux brevets qui ont été acceptés, qui ont été accordés à Apple. C'est des brevets qui datent quand même d'un petit bout de temps. Il y en a autour de 48 qui ont été accordés. Et à l'intérieur de ceux-là, en fait, il y a un brevet qui a été accordé pour des écouteurs. Ça fait juste trois fois que je dis accordé dans la même phrase. Splashy Fish. Je pense qu'on voit Splashy Fish. Ouais, c'est exactement c'est la même genre, chose. Hein? Le même principe. Y a-t-il des reviews ou des étoiles de ça? Oui, 4 étoiles. Il y a 4 étoiles pour 3240. Fait que mettons review. Machimo Galecci, là. Great game, exactly, soit de. Exactement comme Flappy Bird. Exactly, Bird like. Very. Absolutely amazing, just Flappy Bird. Bon, mais alors, les addicts qui n'ont pas 100 000 $ pour un. On télécharge ça tout de suite. D'après moi, quand ils vont leur tirer, on va pouvoir se faire. Tu sais, si t'es capable de faire ton téléphone avec Flappy Bird, si tu l'as, puis avec Splashy Fish. On va créer le listing sur eBay tout de suite, on va le mettre en attente, puis. C'est bon. Sinon, il n'y avait pas un truc avec Obama que j'ai vu? Avec Obama? Oui, dans les. Flying Circus Wrecking Ball. Flying Cyrus Wrecking Ball. Flying Cyrus. Bon, ben, c'est pareil, mais c'est... Ouais, c'est ça. Hein? C'est un Flappy Bird. Fait que Flappy Bird, Miley Cyrus. Ouais. Ah, c'est très drôle. Oh, mon Dieu. Puis Red Bouncing Ball. City Bird, Flappy Flyer. Hey, ta barouette, c'est mais là, Apple... Non, là, je m'excuse, mais là, Apple va falloir... Mais là, ils sont déjà approuvés, donc j'imagine... Ouais, mais là... Ils pourront sûrement pas sortir de mise à jour parce qu'ils vont se faire refuser leur mise à jour, mais... Mais l'application est chance, là. Tu sais, Maddox, c'est l'application qui donnait cette semaine, puis à cause de toutes les autres applications, est en 12e Est rendu en 12e. Snapchat en 13e. Oui, dont Marika nous parlait dans son article. Non? De Snapchat? Non. Non, Snapchat. Non, c'est pas Snapchat, c'est Snapseed. Snapchat, non, c'est pas... C'est une application photo, mais je l'utilise pas vraiment. Tu l'as ouvert, t'as reçu deux, trois photos, puis t'as fait « Ah, à non! » Ben, il y avait des choses qui sont intéressantes avec Girls, la série Girls, qui l'utilise... c'est leur clientèle, là. Mais c'est qu'ils l'utilisent quand même assez bien. Il y a Musique Plus, ici, qui a fait une tentative il y a deux semaines, je pense. OK. Je me rappelle plus durant quelle émission, là, mais donc... C'était à Buzz? Oui, probablement, oui. J. Saint-Louis voulait recevoir nos photos. Oups, c'est tombé. Oups. Qu'est-ce qui vient de tomber? Mon iPhone. Ah. Oh, qui est en train de charger. Qui est en train de sonner. Je pense qu'il sonnait. Ouais, ça devait vibrer. Il a vibré, ça l'a fait tomber. Il a tombé à terre. Dis qu'il te doit de l'argent. C'est mes fans. Oh! Mais ouais, non, c'est parce que là, c'est bien beau, là, le numéro 1, 2, 3, 4, 5, là, mais fuck, ils enlèvent. Ça prend de la place. Ça prend de la place. Ouais, c'est un peu. Tu sais, c'est ça. Donc, avant de parler de cette insignifiance de Flappy Bird, j'ai été en train de parler, en fait, des brevets que Apple avait demandé pour une paire d'écouteurs qui est en mesure de calculer les signes vitaux. Donc, un peu ce que le bracelet de Nike fait. Depuis les dernières semaines, à peu près une rumeur sur deux parle de choses reliées aux signes vitaux, ou à l'exercice, ou à la santé, parce qu'on prépare l'annonce qui serait imminente de la iWatch qu'on entend parler depuis presque 2 ans là, maintenant. Là. Donc, ce serait un autre brevet là, qui pourrait là, s'installer dans la foulée là, de cette iWatch-là. Effectivement. Parlant en fait d'accessoires pour iPhone, Apple qui a réduit les redevances pour les fabricants d'accessoires made in iPhone. Habituellement, quand les Indiens réussissent à vendre trop de cigarettes de contrebande, ben le gouvernement descend les taxes. Ils l'ont déjà fait. Là, ils les ont remontés. Là, mais ben, ils vont y redescendre un bateau. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu la même chose qui se passe. En fait, d'après moi, il y a beaucoup de... Parce que les fabricants d'accessoires pour afficher le logo « Made for iPhone » sur leurs emballages et pour utiliser le connecteur Lightning officiel doivent payer une redevance à Apple pour chaque connecteur, ou du moins un montant forfaitaire pour ça. C'est ce qui fait la différence entre un fil officiel qui serait vendu comme par exemple par Monoprice ou bien par je pense que des compagnies comme Rocketfish ou bien Dynex doivent en faire là, comme vendu chez Best Buy, à un fil qui serait vendu à 4$ au magasin de pièces. Donc si on sait, le fil à 4$, c'est sûr et certain qu'il ne sera pas vrai, mais le fil d'un fournisseur d'accessoires là, qui serait vendu aux alentours de 11, 12, 13$, ça va être un fil officiel, seulement moins cher que ce qu'Apple offre. Effectivement. Souvent, en fait, je ne sais pas si tu en as testé beaucoup, des fils moins chers puis non officiels. Quelques-uns. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne, c'est moins. Ça fonctionne pour charger, ça fonctionne pour synchroniser, mais c'est moins solide, c'est de moins bonne qualité, puis ça brise après 3-4 semaines d'utilisation normale. Là. Effectivement. Mais dans un sens, on l'a payé 2-3 piastres le fil, on l'a pas payé 20 $ plus taxe. Ben, c'est comme les fils 15 pieds de Monoprice. Ben, pas 15 pieds, c'était combien? Mm-hmm. Le long là, qu'on a acheté. C'est 10 pieds, je pense. 10 pieds. Fonctionne très bien, j'ai encore le même à la maison. Mais ça, c'est made for iPhone, c'est un fil, c'est avec le connecteur officiel. Moi, il s'est brisé, là, mais c'est parce que j'ai roulé une couple de fois dessus avec ma chaise. Là. Ben, il s'est brisé, ils sont garantis à vie. C'est vrai? On va t'en faire venir un autre. Ben ouais, le mien, il a brisé. Tu l'as encore? Ah, tu l'as plus. Moi, j'en ai un autre. Celui que tu m'as refait venir, parce que le premier ne fonctionnait pas. Il est encore dans son emballage à maison. Ah. Je sais pas, en tout cas, je vais le réécrire parce c'est que. C'est vrai, non, mais parce qu'il n'y avait même pas demandé le fil d'origine là, que Jean-François qui était brisé. Je vais m'essayer. OK. Excellent. Cool. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que certains périphériques. Peut-être que le prix va baisser. On ne sait pas. Le prix a diminué. Le prix n'a sûrement pas diminué, là, comme de 90 % là, mais de quelques dollars ou quelques sous. Hein. Ça va sûrement là, avoir une répercussion là, pour le prix là, que les consommateurs vont payer. On dit que c'était 10 % du prix de vente de l'appareil que Apple chargeait. Donc, ça veut dire que c'est moins que ça. Depuis. Donc, voilà, ça doit être très intéressant comme nouvelle pour les fabricants. On espère que ça ne veut pas dire qu'Apple va encore changer le connecteur. Non, on ne se pense pas, là. Ils ne devraient pas. Ils vont attendre un autre 10 ans avant de le faire, d'après moi. On va se calmer, ouais. Là. À moins qu'ils mettent du USB, mais ça arrivera. Ben, parce qu'il y a quand même des redevances aussi sur les... Il y avait des redevances sur le dock connector aussi pour afficher le logo made for iPhone. Oui, tout à fait. C'est venu à baisser. Là. C'est venu que ça ne coûte plus rien, là, presque, là, faire ces appareils-là. Mais... Voilà. Messieurs, est-ce que vous, et madame, est-ce que vous écoutez les Olympiques sur votre iPhone? T'écoutes ça avec quoi? L'application Sochi? Oui. OK. À ma job. Sochi de CBC. Dans mon bureau. L'application de CBC. Oui. Ouais. Marika, tu écoutes-tu les Olympiques sur ton portable? Ça dépend où je suis. Okay. Donc, j'ai l'application aussi. Je l'utilise plus pour les nouvelles et tout ça, là, suivre l'actualité, je mets alerte et tout, mais... Il semble qu'il faut faire attention. iPhone in Canada qui nous avertit, ben, en fait, c'est... que la consommation de données peut être élevée. C'est un peu comme avec toutes les applications de streaming comme ça, mais c'est que là, les Olympiques, c'est nouveau, ça dure juste 2 semaines, donc on n'a pas vraiment le temps de cette année. C'est comme... Quand tu t'abonnes à Netflix la première fois, tu écoutes des émissions, ça l'arrête pas, puis tu reçois ta facture à la fin du mois, puis tu as dépassé ta limite de téléchargement. Mais là, c'est comme ça, ça dure deux semaines. Il faut penser que l'image qu'ils nous envoient, c'est une image en HD. Il faut penser Internet. C'est ça, une heure de visionnement, ça peut prendre proche là, d'un gig là, de data. Quand même. Donc, si vous êtes dans l'autobus, sur votre réseau cellulaire, pensez-y peut-être deux fois avant d'écouter là, le 4h30 là, au complet là, de la compétition de bobsleigh. Ouais, faites attention, allez écouter House of Cards au complet sur Netflix à la place, ça va être bien. Ben, tu vas en prendre bien plus. Je sais. Tu vas en prendre bien plus. Mais c'est comme je suis en train de checker sur mon compte. Il me reste 11 jours, puis j'ai écouté beaucoup de. Je suppose qu'ils ont pris le chiffre, là. Vraiment, je suppose qu'ils ont pris ça, là. Mais j'écoute beaucoup de. Ils ont fabriqué. Ouais, ben non. Je dis pas qu'ils sont pas bons. Je les aime beaucoup, iPhone in Canada. Mais moi, je l'écoute beaucoup à la job et je vois mon data n'a pas augmenté ben. J'étais à 3,5 gigs à date, puis il me reste 11 jours de. Comme là, demain, je vais en écouter, c'est clair, parce que c'est le match hockey Canada. Des losers, là. Ouais, c'est sûr, monsieur. Ceux qui vont perdre. Le Canada compte je sais pas trop qui pour les hommes. Demain midi, je vais l'écouter. Je vais emmener mon portable, parce que je l'écoute sur le 13 pouces, mm-hmm. pas sur mon iPhone. Mais c'est ça. Mais non, ça prend, c'est sûr que ça prend du jus, comme vous disiez. Tout streaming, surtout en HD. Ah oui, une chose, par exemple, l'application CBC, ce qui est, excusez le mot, là, ce qui est chiant, là, moi, mon téléphone est en anglais. Okay. OK. J'utilise que la version anglaise de mon téléphone. Uh-huh. Si je veux écouter Radio-Canada en français, je dois changer la langue de mon téléphone. Parce que c'est la même application. Parce que c'est la même application et que l'application ne t'offre pas le choix de langue. Dans l'application, on prend uniquement la langue par défaut du système. Fait que pour que j'écoute Radio-Canada en français, il faut que je mette mon téléphone en français pour écouter les analystes en français. Ça lui fait des, plus belles... Dans plusieurs applications. Oui, mais c'est ça. Mais il devrait pas faire ça. Il devrait faire... Ça lui fait des plus belles statistiques parce que là, c'est tout le Canada qui télécharge la même application, mais c'est moins pratique pour... Oui, mais tu l'as quand même. Tu sais, je dis, tu as quand même tes statistiques. Tu sais, mettons, dans l'application, si tu dis quelle langue que je veux français ou anglais, c'est toi qui choisis. Pas qu'il faut que je reboote, mais que je change ma langue officielle du téléphone avec lequel je dis. C'est un peu... Puis si tu j'y pense pas tout le temps, puis là, je commence à écouter une affaire de... une discipline, whatever, je dis, ah, c'est-tu, il est en anglais. Fait que là, je le ferme. Puis en plus, il te passe deux pubs au début. Ouais, c'est long. Ça, c'est long. C'est juste 15... le processus de changer la langue aussi, c'est long. C'est long. Bon, 30-40 secondes. Fait que t'as raté ta descente de 7 exactement. De 7 secondes. Ouais, c'est ça. Tiens, c'est un peu désagréable comme chose à faire, mais il devrait... Si on veut avoir aussi des nouvelles pour les athlètes québécois, là, Radio-Canada met plus l'emphase là-dessus que CBC là, aussi. Ouais. Ouais. Ben, quoi qu'ils n'ont pas vraiment le choix, vu qu'il y a juste nous autres qui gagnent des médailles. Non. Ben non, on est rendu 8e dans le tableau. Là. Non, mais vous voulez dire surtout des Québécois versus des Canadiens. Ah oui. Mais non, c'est ça. Mais non. À date, je suis pas trop déçu des Olympiques, mais c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs que j'ai vus à date. Là. C'est sûr que quand tu vas aux toilettes et qu'il y a quelqu'un à côté de toi, c'est jamais vraiment très intéressant. On n'entend plus parler de ces choses-là. Un des trucs qui me fait capoter, c'est, tu sais, on est toujours en train de dire, tu sais, il a déçu ou il a fait telle affaire. Il a déçu, attends une minute, là. Il s'est rendu aux Olympiques, là. T'es-tu capable, toi, d'être rendu aux Olympiques? Il s'est rendu aux Olympiques, puis il a fini 8e. Ça, ouais, il n'est pas vraiment déçu, là. Non, effectivement. Puis là, il se dit, je suis un pas bon. Mais c'est parce qu'il y a de la grosse... à toi, ce soir. Il y a de la grosse pression. Toutes les vedettes, tous les athlètes qui gagnent, ils les font passer à tout bout de champ à la télévision. Quand eux autres, ils gagnent... Tu sais, Hamelin, là, il a passé sa journée à faire des entrevues. Il y a trois autres courses à faire. Il s'est planté aujourd'hui aux 500 mètres. Encore deuxième fois cette semaine. C'est planté. Tu sais, on peut pas les laisser dans leur bulle, être concentrés, être... Mais non, parce qu'il faut vraiment aller voir. Mais c'est là que ça se passe. Là, c'est ça, exactement. Ça sera pas la même, pas le même impact s'ils passent en entrevue. Mais deviennent des médias aussi. Tu sais, si on regarde leur présence sur les médias sociaux depuis, tu sais, dans les derniers Olympiques versus aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus là. C'est vraiment plus de l'intérieur aussi, puis tout ça. Puis peut-être vous avez entendu parler aussi que Tinder était super utile. utilisé. Oui, oui. J'ai regardé le reportage, moi, il montrait comme les athlètes en train de baiser partout, sur les toits. Là, tu l'as vu, le vidéo? Ouais, c'était drôle. Je ne suis pas allée jusque-là. Tu l'as pas vu? Non? Ah, tu... Oh, j'ai juste lu les articles qui parlaient de l'utilisation de cette application-là. C'est très drôle. C'est drôle. Tinder, c'est une application, là, c'est le de base. Là. Moi, sur Tinder, là, je score fuck all. Donc, faut tilter d'un côté ou de l'autre si la personne nous semble intéressante. Pour que la personne nous semble intéressante, on a sa face. Puis là, il y a du monde qui ne comprennent pas le concept de mettre ta propre photo. Et en dessous, tu as bon, les trucs qu'ils aiment. Qui sont communs avec toi. OK. Fait que, tu sais, si tu suis, je sais pas, la page de Pelep, par exemple. Par rapport à Facebook, là, c'est ça. Par rapport à Facebook. Quand t'as fait ton Facebook connect. C'est ça, exactement. Fait que là, en dessous, c'est marqué, bon, ben, elle tripe sur telle affaire. Elle a des amis en commun avec toi, puis tout ça. Puis là, tu switches à gauche. À gauche, si tu l'aimes pas. À droite, si tu l'aimes. Puis c'est drôle, parce que les gars, en tout cas, je vais le dire, là, Je coucherais-tu avec? C'est tout. Puis, il y a une fille, Josée, je me souviens plus de son nom de famille, sur Facebook, qui disait, coudonc, les gars, faites-vous juste comme tout switcher les filles à droite, parce que à chaque fois que je switch un gars, moi, j'ai un match avec. Tu sais, j'étais là, ben, ils doivent tout faire un peu comme moi. Ouais, bon. Ben, pour les Olympiques, ce qui est intéressant, c'est que c'est géolocalisé, donc c'est les gens autour de toi, donc par défaut, ils ont des points communs, qui sont des sportifs, qui ont le même rythme de vie et tout ça. Ça fait que je trouve qu'ils ont un body. Je trouve ça, c'est sûr, bon, que ça reste. C'est caché, pas caché, mais c'est du non-dit. C'est pas comme ça que se vend l'application, là, par rapport à, finalement, de se faire une petite vite ou non. Ouais. Mais c'est ça. Ça fait que je me disais que ça pouvait être intéressant. Ça, je trouve ça bizarre qu'ils utilisent ça, cette application-là. Tu sais, c'est pas grand, Sochi, là. C'est comme. Ben, c'est ça. Ils sont tout en. Non, mais c'est ça. Ils sont plusieurs. Tu sais, switch. Là, je vous amène sur un sujet qui n'est pas du tout mon genre. Oh non, on est habitué. T'as des belles Hollandaises, tu te les quittes, puis à un moment donné, t'as comme une maman russe. Et Dante, là, j'aime le borsch. Bon. On va passer à la prochaine. WestJet est sur le point de déployer un système de divertissement via connexion Wi-Fi à bord de ses avions. Donc, dans les prochains mois, les avions WestJet vont être remplis de plein de geeks qui vont être sur leur téléphone et beaucoup moins de boomers qui vont avoir peur que l'avion tombe sur une île déserte et qu'on aille à se taper cette saison. C'est de plus en plus populaire, ce genre de système-là. Au lieu d'utiliser des écrans personnels en arrière des bancs, comme la plupart des avions sont équipés maintenant, les voyageurs ont l'option de regarder les films ou les émissions de télé disponibles à même une application sur l'iPad. Donc, c'est stocké sur un genre de serveur DLNA. Dans l'avion, le même serveur qui doit fournir aux télés. Mais en se connectant au réseau Wi-Fi de l'avion et en ouvrant l'application, on peut avoir accès au contenu localement sur l'iPad. Puis ça permet aussi à la compagnie d'offrir un service Internet payant à bord de l'avion. Excellent! C'est une bonne nouvelle. Je sais pas quelle... Ça va jusqu'à quand? Ça va... Est-ce que l'altitude va jouer un rôle dans ça? Est-ce que c'est accessible? C'est une connexion par satellite habituellement. Ça va être long. De quoi? Ça va être long. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais si c'est une connexion par satellite, ça sera pas... Il y a des connexions satellites haute vitesse, comme par exemple JetBlue est en train de lancer ce service-là. Là, progressivement, ils sont rendus avec une vingtaine d'avions qui ont le service. C'est à peu près 30 mégabits par seconde la connexion. Le ping est de 300 millisecondes. OK, ouais. Mais la connexion est à 30 mégabits par seconde. Puis c'est conçu pour que ça reste à 30 mégabits par seconde, même si les 150 personnes dans l'avion utilisent le service. Je sais pas si WestJet va utiliser quelque chose de haute vitesse comme ça, parce que le service que JetBlue utilise est développé par JetBlue. Mais j'imagine. Fait que tu peux aller sur Netflix puis aller regarder Airplane Fahrenheit 451, Airplane 457, puis Snakes on the Plane. Snake on the Plane avec Samuel. Que j'ai écouté en fin de semaine. Puis Air Force One. Air Force One, oui. Aussi, je l'ai vu. C'est un marathon. Ah, il joue quand j'ai été voir Robocop, c'est vrai. Ceux-là sont barrés dans l'avion, tu sais. Ce serait pas pire, tu passes par OpenDNS puis tu peux pas écouter ces films. Tous les films d'écrasement d'avion, tu peux pas. Die Hard, tu peux pas. Ouais. Die Hard 2. Le premier Apple Store brésilien ouvre ses portes. Et non, vous n'irez pas là-bas pour sauver de l'argent. Pour sauver de l'argent. L'iPhone se vend combien là-bas? 1150 $ à peu près, américain, en équivalent dollar américain. Wow! Mm. Ils veulent ça, pas c'est le vendre, de base, là. C'est le 16 gigs. C'est le 16 gigs, ouais. C'est le 16 gigs, là. Mm. Est-ce que c'est le 5C, 16 gigs, ou 5S? C'est le 5C. 5C en plus. Ih, à 1100 piastres. Ben, 2000 pour un 5S? Probablement. Ça doit... C'est quoi la différence? C'est 200 entre les deux? Ouais. Ou 100 entre les deux? À peu près. J'essaie de retrouver l'article, là, où... Ils ont commencé à engager des gens en 2012 pour leur magasin. Ils ont travaillé avec Foxconn là-bas pour qui travaillent dans ce pays-là, qui ont des usines au Brésil pour la fabrication. C'est plate, tu fabriques l'iPhone dans ton pays puis tu es obligé de le vendre 156$. Mais ouais, tu sais. Yeah. C'est vrai, c'est parce qu'il passe par les États-Unis puis il revient au Brésil. Imagine-toi, tu sais. Ah oui. Ça doit être une raison comme ça. Il faut qu'il s'en aille en Irlande aussi pour... Ouais, pour sauver l'impôt. Voilà. Puis, Bon, c'est parce qu'on veut en parler que je ne retrouve pas l'article, là, mais... Mais ce qui est intéressant, c'est... Il est où exactement? C'est où? C'est-tu à Carnaval? En plein milieu de la forêt amazonienne? Village Mail Luxury. C'est... The store will be located in Rio de Janeiro, famous barra de tea. Ça doit être un quartier. Ouais, ça doit être un quartier, ouais. Cossu de Rio de Janeiro. Mm-hmm. Il va être ouvert pour, la FIFA qui s'en vient en 2014. Ah, ben oui. Bonne idée. Ils vont faire de l'argent. Les gens vont pouvoir aller faire réparer leur iPhone. Si l'iPhone se vend 1100 $, j'aimerais savoir le prix qu'ils chargent pour le réparer. Mm-hmm. Non, on ne veut pas voir ça. Bon, dernière nouvelle. Rogers, dont 75% des utilisateurs possèdent un smartphone maintenant. Moi, c'est le 25% qui me dérange. Qu'est-ce que le monde a? Des clés USB Internet. Ah, il calcule ça là-dedans? J'imagine, c'est toutes les abonnés, là, donc. Ah, OK. Les abonnés à leur réseau cellulaire. Donc, il doit avoir un pourcentage qui a des clés d'accès Internet, il doit avoir un pourcentage qui lui reste des feature phones. C'est le 25% qui me fait peur. Mais non, mais c'est ça, c'est l'ancien Nokia. Là. Tu sais, le premier Nokia bleu, gris, là. Mm-hmm. Je ne me souviens plus c'est lequel modèle. Ça. Quand je vois un gars avec un flip sur la rue, j'y saute dessus. Mais non, mais... Je fais une arrestation civile. J'envoie des madames qui viennent au travail, puis le téléphone sonne, puis tu vois des flips, je dis, madame. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui ont des téléphones comme ça juste pour avoir un téléphone à portée de la main pour rassurer les parents ou des choses comme ça. Ça fait qu'ils veulent pas nécessairement acheter un téléphone intelligent. Ouh, des c'est pour faire d'autres choses avec ce téléphone-là parce qu'ils peuvent pas être repérés. C'est un burner. C'est ça. C'est un burner. C'est phone. Des restes. C'est ça. Mais non, moi, si je veux mettre un téléphone dans les mains de mon adolescent, puis ça va être un smartphone, comme ça, je vais pouvoir le spotter. Ça va savoir où je vais savoir son code iCloud, puis tout. Mm. Je vais faire, il est où? Ben, salut, où est-ce que t'es ce soir? Ouais, tu l'ajoutes à Find My Friend, tu effaces l'application, puis tu l'as. Je pense qu'il est automatique, il reste dedans. C'est vrai? Là, hein? Je pense que oui. Wow! Ah oui! Wow! Plein de possibilités! C'est ce qui mettait fin à notre bloc de nouvelles. Est-ce que tu restes avec nous pour les amateurs? Non, c'est les découvertes après ça. Est-ce que tu as des découvertes à nous faire découvrir? Des petites applications que tu as trouvées dans les deux dernières semaines? Ben, j'en ai découvert une, mais je n'ai pas encore complètement apprivoisé. Là. Okay. Est-ce que tu as essayé l'application 500px? Pour une photo? Oui, mais c'est plus un réseau de photographes. Ouais, c'est comme ça. Je ne suis pas... Ah, OK. Okay, je celle-là, que... je l'utilise pas nécessairement. Parce que là, ils ont fait une mise à jour la semaine passée. Tu peux uploader maintenant tes photos. It was about time. Ouais, un petit peu. C'est comme... Retenez-vous, dans deux petites secondes, on revient. Mac Québec, le podcast. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuebec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. Nous voilà de retour. On est en train de parler, en fait, justement, des petites nouveautés qu'on a trouvées. Mais pour ma part, c'est pas une nouveauté, mais finalement, le Max Payne que je m'étais acheté il y a 6 mois sur Steam à pas cher a fini par fonctionner. Donc, depuis quelques jours, mais là, bonne nouvelle, il a fini par fonctionner. Quand je suis arrivé, je t'ai vu jouer avec, ça laguait, ça était en rare. Là. Oui, c'est sur pas... sur ton Retina, c'est bizarre, hein? C'est... Quand tu l'as vu, je venais de crinquer la résolution, okay. À la résolution native. Avant ça, il était à 800x900, à 800x600, puis il laguait quand même. Puis là, tu l'as mis à 1400x900. OK, tu l'as mis... Ah, ouais, OK. 1440. Ben, ouais, là, ouais, OK. Donc, voilà. Ça, c'était ma petite découverte. Sinon, tiens, on va commencer par les dames, Marika. J'ai découvert, l'application qui s'appelle Polyphona, qui est l'application de Radiohead. Écoutez, je l'ai essayé juste une fois dans le métro. Je comprends pas encore, mais je me disais, Radiohead, ils doivent avoir quelque chose de funky avec ça, de très exploratoire. Ça fait que je suis encore moi-même en exploration. Ben pour être exploratoire, c'est exploratoire. J'ai pas compris le principe. Ben moi non plus. Ça a été développé en collaboration avec un... Avec quelqu'un d'autre, je sais pas exactement c'est qui, là, mais je sais que dans la chanson, c'est basé sur des clips qui ont été enregistrés là, en même temps que leur dernier album, là, qui seraient des clips qui ont été coupés de la première chanson de l'album, Bloom, mais j'ai pas vraiment plus essayé l'application. Là. Pour l'instant, ça m'a plus l'air des screensavers du temps, là, tu sais, avec... Oui, c'est ça, mais ça fonctionne. Ça fonctionne avec le gyroscope là, du iPhone, donc quand on bouge l'iPhone, ça change... J'ai, à part ça, j'ai pas vraiment trouvé une utilisation autre que créative. J'imagine que plus on l'utilise, plus ça évolue. Là, moi, c'est sûr que j'aime ça, des applications qui sont utiles ou ludiques, mais quand ça sert à ni l'un ni l'autre, j'aime moins là, c'est artistique. Là, ça va avec un peu la direction que Radiohead a pris. Là, dans c'est les... ça, exactement. C'est une application artistique, effectivement. C'est ça. Sinon, Jean-François, est-ce que tu as une... Est-ce que tu as une découverte cette semaine? Non, mais je voulais vous parler d'un bundle. Ah, OK. Oh. Excellent, ça fait longtemps. Il y a le bundle que je me suis trompé de lien, puis je viens de le perdre. En fait, il y en a deux, je me trompe pas. Il y en a deux, parce que là, c'est un peu mélangeant. Il y en a une que, parallèle, les deux parallèles sont dedans. Non. Oui. Non, le premier parallèle n'est pas dedans. Je l'ai tweeté au début de la semaine, celui à 39,99. C'est pas la mise à jour de parallèle? Non, parallèle n'est pas dedans. OK. C'est cinq logiciels ou six logiciels. OK. Il y en a des très bons là-dedans. Fantastical, Clean My Mac est là-dedans. L'autre, il y avait quoi? Je me souviens plus. Mais quelques jours plus tard, en fait, probablement parce qu'ils ont eu trop de questions, ils ont rajouté leur propre application. Donc, pour 80$, on a Parallèle dans ce bundle-là. Est-ce que c'est 8 applications en tout? Est-ce que tu les as? Oui, c'est Parallèle 9, One Password 4, la dernière version, Fantastical, Kaspersky, l'antivirus. C'est utile, rare là, sur un Mac. Oui, vraiment utile. Clean My Mac, dernière version, version 2, avec Mac Hider. Et Parallèle pour iPad pour 6 mois d'utilisation. 6 mois, oui. Qui est en fait un logiciel qui permet de prendre contrôle de son Mac à distance. Un peu à la TeamViewer ou à la LogMeIn, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Ça revient à la même affaire, à peu près. Fait que pour 80, vous avez tout ça. C'est Parallèles, tout ça, ça vend combien? 79. C'est intéressant. Fait que t'as tous les autres logiciels. Juste One Password sur Mac, ça vaut 49$. C'est 49,99. Ouais. Fantastical, c'est une vingtaine de dollars. 20$. Clean My Mac, c'est 20. Kaspersky, je le sais pas. Mac Hider, je pense qu'il est 10$. Parce que moi, tous ces logiciels-là, je me souviens plus des prix vraiment parce qu'on les a tous achetés dans des bundles. Ben oui, Fantastical venait dans un Mackies, tu vois. Mac Hider aussi. Clean My Mac aussi. Il y a juste Parallels et One Password. Ouais. One Password, on l'a tout acheté. Oui. Puis, c'est ça. C'est ça. Mais c'est un très bon bundle. Pour 80. Ce qui est intéressant, c'est que la version de One Password que tu achètes, c'est la version du site web. Oui, c'est pas la version du Apple Store tout le temps. Puis, on le répète, c'est une version qui est, qu'on met à jour plus rapidement puis qui peut être connectée aussi au bêta, si je ne me trompe pas. Voilà. Fait que moi, je roule ces bêta depuis toujours. Fait que je les ai... Mon One Password est tout le temps mis à jour. C'est intéressant. Si vous voulez acheter Parallels, achetez le bundle. Vous allez avoir des applications en prime. Ouais, c'est ça, parce que si vous utilisez... Correct, parallèle, mais si vous n'utilisez pas Windows sur votre Mac... Ou si vous préférez utiliser VMware, même si j'ai l'air d'être le seul à préférer utiliser ça. Oh, Seigneur! On n'aura pas la même discussion qu'on a à chaque fois. Bon. Donc, quelqu'un d'autre découverte? Ouais, qu'est-ce que tu as? J'ai découvert l'application cette semaine. Ça s'appelle QuizUp. C'est disponible pour appareils iOS. C'est une application qui permet... C'est des genres de mini matchs de quiz là, de différentes catégories. Là, il y a à peu près là, peut-être une centaine de catégories dans l'application. Là, ça c'est va des questions? Des questions, oui. Okay. Ça joue en ligne. Tu es matché avec quelqu'un au hasard, puis tu as des points. Là, plus vite que tu réponds, plus que tu as de points. C'est des petits matchs. Il y a 7 questions par match. Ça dure à peu près une minute, un match. Puis tu as des niveaux. Tu augmentes ton niveau par catégorie. Là, c'est vraiment, des connaissances générales, par catégorie. Par catégorie, oui. C'est vraiment intéressant. Excellent. Et on voit qu'il y a du in-app purchases dans l'application. Mais c'est pas. Tu peux jouer tout à fait gratuitement. Le seul in-app purchase qu'il y a, c'est si tu veux faire augmenter ton niveau plus rapidement. Ah, okay. Ils vendent là, 2 fois XP, 3 fois XP, 4 fois XP, je crois. Là, c'est valide pour 1 heure. 2, 4, 6. Ouais. OK. Bon. Marika? Ah, peut-être qu'Alexis avait déjà quelque chose. Moi, j'avais 2 petits trucs. Attends, ça s'appelle Zener, Z-I-N-E-R, qui est un lecteur de feed RSS. Dernièrement, en fait, bon, on en parlait un petit peu avant. Nous, on utilise Reader. On était vendu à Reader. On l'avait payé. On voulait l'utiliser pour le reste de nos jours. Reader existe encore sur iPhone. Il a été mis à jour lors de la fermeture de Google. Défunt Google. Ça s'appelle comment? C'est quoi, donc, le feed RSS de Google? Google Reader? Oui, Google Reader. Ouais, c'est ça. Donc, Google Reader. Ça va bien, hein? C'est compliqué. Je cherchais tellement que je me disais, c'est pas ça dont tu parles. Donc, Google Reader qui est mort, et à ce moment-là, en fait, il y a plein de petites compagnies qui ont émergé, entre autres Feedly, qui est probablement un qui est devenu les plus populaires. Un des plus populaires, oui. J'ai essayé, moi, Fever, que je me suis pris un serveur Fever. C'est-à-dire, j'ai téléchargé Fever, je l'ai installé sur mon serveur et je lui ai mis mon OPML dedans. Donc, il est allé chercher tout mon historique de feed RSS. Je ne suis pas impressionné parce que, d'un côté, j'ai le feeling avec Fever qu'il manque des trucs, oui. Parce qu'il est supposé les prendre puis faire, bon, ben. Tu sais, souvent, on parle de la même chose sur plusieurs sites différents. Mm-hmm. Donc, lui, il va te donner le plus pertinent puis il va enlever les autres de ta lecture. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y en a quelques-uns d'importants qui passent à travers ça. Comment ça s'appelle? La synchronisation aussi est très, très lente sur le serveur. Mais... En fait, c'est ça, c'est sur le Mac. Comme Reader n'existe plus, moi, j'utilise ReadKit, mais ça coûte 6,99. Puis je sais que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à payer ça. On a pas payé ça par mois ou bien 6,99 par mois? Non, c'est tu l'achètes. Okay. Moi, je paye Feedly. Non, je ne paye pas Feedly. Mes feed RSS sont dans Feedly, mais pour les lire, j'utilise ReadKit. Ce qui est intéressant avec ReadKit, c'est que tu as ton feed RSS, mais tout de suite en bas, tu as un autre panneau pour ton Instapaper. Ah. Fait que tu drops ça dedans. Tu passes à travers comme tous tes gros titres, si tu veux, puis ce que tu envoies dans Instapaper, tout de suite après, tu peux aller le lire. Il donne à peu près les mêmes services que Reader, mais il est 6,99. Zener, en fait, qui est un logiciel qui ressemble beaucoup, il est très esthétique aussi, c'est bien fait, mais il a l'avantage d'être gratuit. Donc, il a certaines fonctionnalités que ReadKit ou Reader ont, mais que lui n'a pas, mais les grosses, les nécessaires sont là. Est-ce que tu sers de feed RSS? Écoutez, j'ai quasiment honte de le dire, mais non, pas vraiment. J'ai comme sauté ce vague-là. Moi non plus. Donc, non? Je l'ai utilisé quelques mois, puis après ça, j'avais Twitter. Là, en fait, j'aimerais revenir parce que maintenant, je trouve que Twitter, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont plus nécessairement des fils de nouvelles. Oh, non. Qu'elle est gentille! Mais, c'est la matantisation du feed Twitter. Allez, on va le dire. Ce ne sont pas mes mots, mais je trouve ça bien que la majorité... Moi, je fais des campagnes marketing avec les médias sociaux, ça fait que c'est très pertinent pour moi qu'il y ait plusieurs utilisateurs qui l'utilisent. qui partagent leurs moments sur Twitter et tout ça. Mais bon, là, on est dans un autre sujet. Ça fait que je n'embarquerai pas nécessairement dans ça. Mais non, je n'ai pas de fil RSS. J'ai sauté la vague. Puis maintenant, c'est facile d'avoir son information. Là. J'ai moins besoin de ça. On dirait que c'est l'ancienne mode. Tu sais, Bien, je pense que c'était une bonne habitude. Puis quand. Puis là, maintenant, j'ai plein d'amis qui ont encore des fils RSS puis qui me donnent la news tous les matins. C'est que j'aime ça. Non, ouais, il y a quand même un concours qui va sortir la nouvelle en premier, là, parce qu'ils sont abonnés au même fil. Mais... Ben, ouais. Non, effectivement, moi, ce que je me rends compte, tu sais, on s'est positionné, veux pas, Jean-François aussi, comme. T'sais, Apple Guys sur Twitter. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles que moi, je vais sortir parce que je les trouve intéressantes de mon feed RSS. Je les ramène sur Twitter. Et souvent, il y a personne qui en a parlé, que ce soit... C'est ça. Quel est ton brand aussi, puis tout ça. Là, exactement. Cette semaine, j'ai sorti... c'est une niaiserie. C'est un chargeur 5 ports USB. C'est un truc sur... j'ai pogné ça sur un feed RSS. D'un des sites, il disait « Hey, le meilleur chargeur que tu peux avoir, les 5 ports sont 2.1. » Fait que tu peux brancher 5 iPads dessus, tu le plugs, il est tel prix, c'était une niaiserie, c'était 24 piastres. 24, oui. 24 $ sur Amazon, tout ça. J'ai écrit tout de suite à Jean-Michel, j'ai dit « Commande-moi ça. » Il dit « Paye-moi mes écouteurs. » Fait qu'il faut que je paye mes écouteurs. Donc, toutes ces petites nouvelles-là, le feed RSS est capable d'aller les chercher, puis rapidement, tu es capable de passer à l'intérieur. La problématique, c'est que si tu prends pas ton temps pour y aller, puis si tu suis... Moi, j'ai suivi à peu près tout ce qui se fait. Tu sais, toi, juste en regardant comment tu gères ton Instagram, comment tu gères ton Twitter, tu l'as dit tout à l'heure, suivre les bonnes personnes, bien, c'est la même chose, en fait, pour les feed RSS. Oui, je suis convaincue que c'est une bonne chose. C'est juste que j'ai pas pris l'habitude. C'est de la gestion aussi, là, c'est ça. Non, au lieu d'aller voir 5 réseaux le matin, je n'aurais juste une place à aller voir. Exactement. Sinon... J'avais une petite application dont je voulais vous parler, qui n'est pas une découverte. Ça fait longtemps que ça existe, mais ça va peut-être aller en lien un peu avec les applications dont vous venez de parler, plus celles que j'invite à découvrir sur mon blog, les applications photos. C'est AppShopper. OK. Moi, je l'utilise beaucoup, justement, quand je lis plusieurs trucs, des articles sur différentes applications à essayer ou à utiliser. Je le mets dans AppShopper comme wishlist. Puis quand le prix baisse ou quand tu deviens gratuit, quand tu as un update, je reçois une alerte. Ça fait que quand on est moins pressé, ben ça peut être intéressant. Donc, plusieurs applications photos. C'est intéressant, ça, pour connaître le prix des applications aussi à AppShopper. On voit l'historique des soldes, quand le prix a baissé, quand le prix a monté. Fait qu'on sait si ça fait longtemps qu'il n'a pas descendu. Si on voit qu'il descend à 4,99, des fois, l'application qui se vend 10 $ Suive le marché des apps. Ouais, c'est ça, on suit. Ouais. Ah, puis là, ça fait 3 mois qu'il n'a pas descendu ce prix-là. Peut-être qu'il va descendre bientôt. Ça devient une application gratuite 24 heures. Mm-hmm. Si tu n'es pas allé sur l'App Store cette journée-là, ben, tu ne le sais pas, tu l'as raté. AppShopper peut nous informer de ça. C'est une belle façon de l'utiliser aussi, au lieu d'être niaiseux comme moi puis de faire « Ouh! Ils disent que c'est une bonne idée. Achète-la! » Ah, j'ai pas besoin de ça. Ça dépend de notre niveau de FOMO. Ouais. Mais on a tous sans doute downloadé Paper aussi quand c'est sorti. Celle de Facebook? Oui. J'y ai pas touché. Moi, je suis pas allé la chercher. Tout le monde disait que... Le UI est vraiment intéressant. J'ai pas été à chercher. J'ai même pas de compte US encore. J'habite dans un Starbucks à New York. Ma résidence secondaire. D'accord. J'habite dans un bureau d'avocat à Plattsburgh. Ben, c'est ça. Ils doivent recevoir du courrier à mon nom. Je suis tellement abonné à des affaires. Il y a l'ami Benoît Descaries sur son blog qui a mentionné comment se créer un compte iTunes américain. Mm-hmm. Donc, c'est très facile pour pouvoir aller télécharger Paper. Mais si c'est une exploration, eux aussi, je pense. Donc, mais ça change complètement. La réponse, je pense, est très bonne sur l'application. C'est comme partout, moi, j'ai lu que c'était la première application que... Facebook faisait comme du monde pour les mobiles. Puis Facebook, la réponse, ça a été oui. Flipboard, c'est plus intégré. Flipboard, ça prend du temps à paramétrer quand même. Ça fait que pour avoir exactement tous tes champs d'intérêt et tout ça, là, donc je trouve qu'avec Paper, tu as déjà tes likes par défaut qui sont identifiés, que tu cultives depuis 2007. C'est vrai, c'est la vrai. Parce que ça fait 10 ans, Facebook, mais Ouais, tu peux faire le petit clé, je me souviens plus, là, ça a été la grosse mode la dernière playback. Semaine. Playback, c'était ça. Même partout. Si on a fêté les 10 ans, ça, au grand public, c'est plus depuis 2007. 2007, que Facebook a sorti. C'est drôle, moi j'ai vu le playback de Darth Vader qui est sorti cette semaine. Et il l'a posté, je l'ai pas vu? Je sais pas, mais il y avait la petite photo quand il était jeune, le kit, puis qui grandit. Parce que le compte Twitter du faux Darth Vader, il est très bon. Là. Ah oui? Il est très, très... Les photos qu'il met là-dessus, là, c'est un malade, celui qui fait ça. Là. Je ne sais pas où il va chercher ses photos, là, mais c'est un très bon compte Twitter à regarder si vous aimez Star Wars. Avant de passer aux amateurs de Mac, bonsoir. Ma dernière découverte s'appelle Keep Everything. C'est une application qui est faite pour garder les sites web. Donc, c'est un... un suceur de site web, j'imagine, ou... siphonneur? Quand tu dis garder, c'est l'équivalent d'ajouter des signets, mais... Non, c'est vraiment de pomper... Sauvegarder localement le site web. Archiveur de site web, oui, effectivement. Mm-hmm. Donc, ça va aller chercher au complet le site web. Donc, tout ce qui se trouve sous le nom de domaine, ça va le sauvegarder dans votre ordinateur. Vous pouvez penser que ça peut... peser lourd un site web, mais quelque chose comme Wikipédia, si on le télécharge au complet, c'est environ 5-6 gigs. Donc, c'est pas... Télécharger Wikipédia? Wikipédia au complet. C'est pas plus gros que ça? Ça télécharge juste le texte. Je sais pas. Pas sûrement, là, 5-6 gigs, mais ça doit pas télécharger les images aussi. Probablement pas. C'est probablement ça. Ça doit télécharger juste ce qui est Wikipédia.com. Oui. Ouais, parce que c'est un gros notepad de site web. Exactement. Mais ça présente une interface un petit peu comme à la iTunes, c'est-à-dire les guidelines d'Apple, une colonne sur le côté. On peut probablement classer par catégorie tout ça. Et ça peut être intéressant pour certaines personnes qui préfèrent fonctionner de cette manière-là. Peut-être pour les clients qu'on a, puis on veut garder les anciennes versions de site web. Mm-hmm. Ça peut être intéressant de un site web de référence aussi, là, qui explique comment faire quelque chose qu'on sait que ça ne changera pas. Là, Exactement. Oui, effectivement. Pas juste offrir des logiciels, mais aussi des raisons pour les utiliser. C'est ça. Archivez pas le site web de la presse. Là, ça change à chaque jour. Là, donc ça donne rien. Là, mais non, c'est ça. Archivez là, peut-être le site web qui explique comment faire fonctionner un logiciel spécialisé que vous avez sur votre ordinateur, que vous pouvez utiliser. Vous êtes dans l'autobus, vous n'avez pas accès à Internet. Vous avez besoin de faire quelque chose rapidement avec Photoshop. Je ne sais pas, là, c'est la première idée là, qui me vient à la tête. Là, mais là, vous avez le site web au moins archivé. Là. Et sur ce... Les amateurs de Mac, bonsoir. Mac Québec, le podcast. Les amateurs de Mac, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu restes avec nous, Marquant? Ou... Non, je ne pourrais pas aider les amateurs de Mac. Alors, je vous quitte. Merci beaucoup de votre invitation, messieurs. J'ai pas le petit bouton comme Guilla pour faire « Tu t'en vas ». Rajoutera ça la semaine prochaine. Ouais. Ouais. Ouais. On va télécharger la toune. Avec les écouteurs. Merci, bonne soirée. Bye-bye, bye. Rika. Bye. Salut bien. Attention, pas de t'en faire juste d'un film. Donc, bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir, où on répond à vos... En fait, si vous avez des questions, on a des réponses. C'est ça? Votre show de questions, notre show de réponses. C'est ça. C'est ça. Ouais. Il faudrait le noter. Me semble. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a des trucs cette semaine? Tu veux commencer avec le truc ou la question qu'on avait? Le truc. Le truc? Oui, le truc. Alors, le truc, on a un truc. Comment jouer à des jeux pour NES, donc la première console que Nintendo a sortie sur iOS sans jailbreak? Le Nintendo Entertainment System. Exactement. Je ne sais pas. Tu sais pas? Non, je ne sais pas. Non, non. Comment on fait ça? C'est un service qui s'appelle WebNES. Nice. Et ça serait un émulateur NES. Comme, sur Internet. Sur Internet, basé sur Internet, ce serait en Java ou en HTML5. Mais comment tu fais pour mettre tes ROM? J'imagine que tu les uploads. Je n'ai pas essayé. Non, tu les passes dans Dropbox. Dans Dropbox? Service est connecté à Dropbox et tu peux aller lui dire... Fait que tu es limité d'une certaine façon. Ouais, ben là, on s'entend qu'un ROM de... de NES, ouais, c'est ça pèse pas très gros. Ça, ça calcule en kilo-octets. Je peux vous le dire, là, j'ai toute la collection ici. Je vous dirai pas d'où c'est que j'ai pris ça. Ah, son ça fait toi-même. Rome. Oui, c'est toutes ses cassettes à lui. Ouais, ouais, c'est ce qui va avec mon Open Emu, c'est pour ça. Fait que. Mais continuez à jaser, je vais vous le dire combien ça vaut. Non, c'est ça, puis c'est une interface en HTML5. Ça fait apparaître la manette qui est très simple du NES. Il y a 4 boutons. B, A, Select Start, et puis les flèches. Avec l'image, un petit carré avec l'image. Et sur. À même Safari, là, sur votre iPhone. Et puis vous pouvez jouer à vos ROM qui sont sur. Dropbox. On sait là, qu'avant, il y avait une application là, très populaire là, dans le monde du jailbreak. Là, ça fait longtemps qu'elle est disponible. C'est une des premières. Dans les premiers temps du jailbreak, l'application était disponible. Puis ça faisait justement apparaître la manette là, sur l'écran. Le même principe, mais non officiel. Mais maintenant, tout le monde y a accès. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais pour l'instant, là, vous y avez accès. Bien, ça va tout le temps durer. Là, ouais, c'est du HTML5. Mm-hmm. Fait que mon fichier de ROM pour mon NES fait 230 MB. C'est ah. Tous les jeux qui ont. Ouais, version 1 chinoise, cambodgienne, name it. Là. OK. Fait que 230 MB. Non, c'est pas si pire. Votre Dropbox devrait survivre. Ben oui, ça. Il va survivre. Mm-hmm. Sinon, pour ce qui est de la intéressant, question... C'est intéressant si vous êtes amateur là, de jeux rétro. Pour ce qui est de la question. Oui. Retour en arrière en 1999. Oh. Oh boy, hein? Est-ce que quelqu'un ici se souvient du logiciel Copernic? Moi. Toi, tu t'en souviens? Ben oui, toi aussi, je peux. Oui, on a utilisé ça. On a tout utilisé ça, là. C'était. Des fois, je m'ennuie. C'était le fun, ce logiciel-là. Ah oui? Ben, tu cherchais, puis t'avais. Comme, ça cherchait partout sur les internets. Ben, ouais, mais c'est parce que dans le temps, t'avais pas Google. T'avais Google qui commençait, mais tu sais, il fallait que tu faisais une recherche sur Yahoo, ça donnait le résultat. Tu faisais une recherche sur quoi, Alta Vista, ça donnait le résultat. Ouais. Tu faisais sur MSN, ça donnait d'autres résultats. Là, ça avait l'avantage, je recherchais, mettons, chien, puis ça recherchait sur tous les moteurs de recherche en même temps, puis ça les classait par pertinence. Ouais. Mais là, maintenant, on cherche sur Google. Puis c'est pas mal Google qui a les meilleurs résultats. Là. Mais depuis un certain temps, Google... Mais ça dépend comment tu cherches. Il y a Bing qui est en train de faire une remontée, mais... Ça dépend comment tu cherches sur Google. Si tu cherches quelque chose de vraiment précis, faut que tu utilises les guillemets. Oui, c'est sûr. Si tu n'utilises pas les guillemets, là, ça va être les recherches que madame et monsieur tout le monde ont fait. Mm-hmm. Même dans l'omnibar, c'est ce qui va apparaître. Mais si tu cherches vraiment, faut que tu prennes... Ouvrez les guillemets... Ce que tu cherches, tu fermes les guillemets, puis là, Google va chercher plus en profondeur. Mm-hmm. Mais c'est beaucoup plus facile de faire une recherche sur Internet. Ah, ben oui. Avant, là. Ben mais oui. On parle, les sites que j'ai donnés en exemple, tantôt Yahoo, Alta Vista, ça existe encore. Ben oui, moins, ça fonctionne encore. La connaissance, ça existe encore, mais ils ont encore les mêmes problèmes qu'avant là, oui. Pour la majeure partie. Il y a beaucoup de publicité, puis il y a beaucoup de résultats qui ne sont pas vraiment très pertinents. Mm. Est-ce que la question, c'est une question qui avait été posée par un utilisateur sur le forum de Mac-Québec qui demandait s'il existait des logiciels comparables à Copernic qui a pas. Été discontinué il y a longtemps, là, qui utilisait sur PC. Il n'y en a pas, mais est-ce la vraie réponse à ça, est-ce que c'est vraiment encore justifiable d'avoir besoin d'un logiciel comme Copernic? Bien, je pense que l'intérêt de Copernic, c'était de pouvoir dire « je veux du contenu francophone », ce qui est possible de dire dans Google. Mm-hmm. On peut paramétrer Google pour avoir... les options avancées. C'est ça. Exactement. Il y a tout le mode de recherche avancée dans Google qui permet de trouver des pages ultra précises. Sinon, en fait, je ne sais pas si c'est parce que cette personne-là filait plus pour avoir un outil... C'est pas une page web pour faire la recherche. Uh-huh. À ce moment-là, il y a l'Omnibar ou il y a même Spotlight. Quand je vais taper dans Spotlight quelque chose qui n'est pas sur mon ordinateur, ben les dernières entrées en bas, c'est rechercher sur Wikipédia et rechercher sur, Google. Sur Internet. Donc, ça recherche sur Google. Ça recherche sur Google. Et il y a peu de gens qui le savent, là, mais on a encore... Je le répète, puis je le dis souvent dans des shows... On a encore des gens qui, pour aller sur Google, vont dans la barre d'adresse, tapent Google, et... se rendent pas compte qu'ils sont dans Google, uh-huh. cliquent sur le premier lien pour aller sur google.com, ouais. Puis dans la barre de recherche de Google, parce que là, pour eux autres, Google, c'est cette barre-là avec le mot Google écrit au-dessus. Là, vont taper lapresse.com au lieu de taper lapresse dans .com dans la barre d'adresse ou comme elle est omnibare, tu tapes direct lapresse.com. Ben oui. Tu le fais par inadvertance des fois. Là, ça m'arrive souvent. Je commence à taper Facebook puis je passe sur Enter trop vite. Ouais. Ben, ça fait une recherche pour FACAB sur Google. C'est ça, c'est ça. Mais j'arrive au site quand même. Oui. Mais les gens se rendent pas compte. Ils font comme « Ah, c'est difficile l'informatique. » Non, je pense que tu es juste en train de faire du basic puis essayer de te rentrer un manche à balai dans la roue d'en avant. Là. C'est ça que tu fais. Voilà. Donc, ça, c'était la question qu'on avait. Il y a aussi, en fait, pour l'agrégation de tu sais, je veux dire, ça servait à faire des recherches sur des sujets, mais on vient de parler d'application de feed RSS, qui est une technologie qui, bizarrement, n'a pas été adoptée en masse, mais qui... Ben écoute, le feed RSS, d'abord, il faut le savoir, là, c'est à la base de ce qu'est un podcast. Mm-hmm. Oui. Donc, s'il n'y avait pas de feed RSS, il n'y en aurait pas de podcast, il n'y aurait pas de distribution c'est automatique. C'est comme ça qu'on publie là, le podcast. Exactement. Puis que les gens, ils reçoivent en fait les nouveaux épisodes. Et c'est une technologie qui est considérée comme étant en déclin en ce moment. Mm-hmm. Il y a juste des purs et durs qui utilisent le feed RSS. Les autres vont être considérés comme des curateurs. C'est des gens qui vont être sur les médias sociaux à suivre les bonnes personnes et eux vont être les points centrales de redistribution de l'information. Mm. Mais encore, faut-il qu'en tant qu'utilisateur, on soit assez intelligent pour aller chercher ces personnes-là, les trouver et les classer, par exemple, dans des listes sur Twitter. Le concept de liste sur Twitter permettrait de faire un petit peu la même chose qu'un feed RSS, c'est-à-dire de se faire informer de sujets en particulier. Est-ce que tu t'en sers? Je m'en suis servi à certains trucs. J'ai mais... aucune liste. Non? J'ai aucune liste dans mon Twitter. Moi, je me sers pas de ça. C'est important, les listes, ça fait monter le clout, mon gars. J'étais à 63, c'était en masse, là. Mais de toute façon, là Clout a changé aussi. Il est plus sur les réseaux sociaux maintenant que sur le chiffrage qu'une personne peut avoir les médias sociaux. C'est plus le fun maintenant. C'est un petit peu plus le fun ce qui se passe sur Clout. Ah oui? Ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir. Je pense que je suis rendu à 44. Oh. Ça l'a diminué. Ouais, ouais. Mes vacances m'ont pas aidé. T'es cher en Clout. Uh-huh. Hey, J'ai-tu vu que tu n'allais plus chez Target? J'ai-tu vu ça la semaine passée ou la semaine d'avant, je sais plus trop. C'est déprimant aller chez Target au Canada là, maintenant. Là. Tu sors de là bouleversé. Là. Comment je pourrais dire ça? Mais c'est pas... bouleversé? Non, mais c'est pas... triste parce qu'il n'y a pas la même expérience qu'aux États-Unis. Exactement. Mais c'est vraiment, vraiment pas la même expérience. Les tablettes sont vides ici au Canada. Les employés ont l'air à haïr ça, travailler là. Je sais pas, là, mais c'est loin d'être comme aux États-Unis. Là, c'est la même couleur, puis ça s'arrête là. Ben, les commentaires que je reçois, moi, c'est que le stock est cher. C'est comme un Sears, mais pour la classe moyenne. C'est ça que ma mère m'a dit. J'ai pas été encore, moi. C'est pas cher. C'est pas plus cher qu'ailleurs, là, au Canada. Ils peuvent pas arriver ici, là, puis dire, là, votre litre de lait, on va le vendre 99 cents, comme on fait aux États-Unis. Ils ont pas le droit de faire ça, ici, au Canada. Il y a plein d'affaires. Régis, au Canada, on n'a pas de système de distribution alimentaire comme aux États-Unis. Tout est distribué par le fournisseurs, tout est distribué à petite échelle. Tandis qu'aux États-Unis, ben, la compagnie qui fait des livres de beurre en produira pas là, 1200 par jour, ça va se compter dans millions, là, le nombre de livres de beurre qu'elle fait là, par jour. Mm-hmm. Donc, ils ne peuvent pas atteindre le niveau de distribution là, comme ils ont aux États-Unis, mais quand même, qu'il y ait eu une demande là, à l'ouverture, que ça allait vider les tablettes, c'est correct, mais que j'aille chez Target, j'y étais cet après-midi, que j'aille chez Target puis que les tablettes soient à moitié vides encore, ça n'a pas d'allure. Là. Ça me donne pas le goût d'acheter. Ou bien que je vois, il y avait, sur le bout d'une rangée, il y avait du détergent lessive Tide. Il y en avait une rangée de profond sur la tablette, là, à la largeur de la tablette, mais tu arrives de côté, tu vois, la tablette est vide, puis tu as ta rangée de Tide là, en avant. Ça a l'air cheap, là, ça a l'air... Avant de vous quitter, en fait, je voulais juste, parce que je l'ai utilisé cette semaine, il y a un article sur Mac Québec qui date un peu, qui est un article qui a été écrit par Vincent Miller, qui est à propos des signatures HTML. Mm-hmm. Et Vincent, il laisse un fichier que vous pouvez télécharger, adapter à vos besoins. C'est quand même assez simple. On va simplement ouvrir dans, par exemple, TextEdit, le fichier et aller remplacer dedans les données qu'on veut. Et ce fichier-là, suite à ça, on va le sauvegarder. Il y a une petite passe-passe qui est expliquée dans le... dans l'article, mais c'est d'aller remplacer le texte qui est dans la signature par défaut par l'écriture HTML. Et à ce moment-là, quand on applique la signature, ben on va avoir une belle signature qui est HTML et qui va fonctionner partout. Si, par exemple, le lien de votre image dans votre signature, mm-hmm. c'est une image qui est sur Internet et qui est accessible en tout temps. Donc, plutôt que de faire une signature qui ne fonctionne pas tout le temps, bon, du HTML, ça passe pas mal partout. Les lecteurs de mail ouais. modernes l'acceptent tous par défaut. Ou à peu près. Si vous cherchez un bon éditeur de texte pour faire du HTML ou de la programmation comme ça, c'est pour revenir à la chronique découverte. J'ai découvert il y a quelques semaines, ça s'appelle TextMate. Oui. C'est gratuit. OK. Ça contextualise le code. Finalement, ça va changer les couleurs pour certaines fonctions. Propriétés. Vous allez pouvoir réduire certains blocs de texte dans votre... dans votre code, là, c'est pratique. Là, si vous faites une longue page web là, en PHP, par exemple. Très intéressant. Donc, encore une fois, le podcast Mac Québec tient à remercier ses commanditaires iRepair Montréal, les sauveurs de vie professionnels, qui nous ont visités au dernier podcast, si je ne me trompe pas. Oui, le dernier. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, on vous invite à le faire. Coop UQAM, boutique informatique située au 279 Sainte-Catherine-Est. Reptile Tech, qui est notre compagnie qui s'occupe de l'infrastructure de Mac Québec. L'INIS, que tu vas aller visiter... au mois de mai. Tu viens-tu avec moi? Non, malheureusement, je pourrais pas y aller à la formation. Qu'est-ce qu'on regarde en arrière? Non, ben c'est juste parce que je veux vous montrer quelque chose que j'ai... pourquoi que mon spotlight, c'est où déjà? C'est dans accessibilité. Ouais. C'est dans... Ouais, c'est ça. Je vais te laisser chercher pendant que je finis ça. Donc, on remercie aussi Telestream pour le logiciel Wirecast. Comme à l'habitude, le podcast de Mac Québec est diffusé depuis les bureaux de ClickPom, spécialiste en solutions informatiques Apple. Rendez-vous au www.clickpom.com pour plus de détails. C'est nous autres, ça. C'est moi, ça. On tient à remercier Marika Laforêt pour son passage à l'émission. Vous pouvez la retrouver un peu partout sur Twitter avec le nickname Marika MTL. Sinon, messieurs, on se retrouve le 4 mars prochain. Oui. À 20h. Et oui. Où, d'ici là, peut-on vous retrouver sur les internets? Ben moi, on peut me retrouver sur Twitter, à JFroy1979, et partout, comme Marca disait plus tôt, le même nom partout. Pour ta part... On peut me retrouver sur Twitter, au JM souligné Boily. Pour ma part, on peut me retrouver sur les internets, sur Twitter, au Alex Cornelier. On peut me retrouver aussi sur Angel TV Friend Finder et sur Badoo et Tinder. Et si je ne suis pas là, c'est que je suis en train de jouer à Max Payne 3. On vous dit à la semaine prochaine. Dans deux semaines. Dans deux semaines, oui. Dans deux semaines. Bye. MacQuébec.com, le podcast. C'est toutes les nouveautés Apple. Commentaires et critiques. Vos questions, nos réponses. Et beaucoup de collaborateurs. Bienvenue au podcast de MacQuébec. MacQuébec.com.